si vous me permettez, peut-être que je mentionnerai les trois points. De, tu sais, les, ouais. Les, on a développé trois thématiques qu'on souhaite pousser un petit peu plus d'avant, qui nous ont aussi permis de nous séparer en petits groupes de travail. Il y avait la première qui était la question de l'utopie, comme une utopie concrète, comme la création de nouveaux lieux ou quelque chose d'un peu un écotombe. On travaille dans cette vision-là. Il y avait la machine qu'on a appelée. La machine vivante, qui explore peut-être plus le côté vivant du fleuve. Et il y avait le troisième qu'on a appelé. C'était les traces, le titre? Ouais. Les traces. C'est relatif à la mémoire. Usage. Les traces. Mémoire historique, mémoire vivante. Le récit un peu. Il y avait... Et donc tout ça est aussi un peu en lien. Oui, c'est ça. Pour essayer de faciliter un peu de commencer à travailler plus dans le concret. Mais du coup, là, elles ont toutes des relations, forcément, les traces avec la question de l'utopie, la question de mémoire passée, mémoire vivante, et puis le futur aussi, qu'est-ce qu'on se projette comme futur désirable. De la même façon, il y a plein de liens. Ok. Ok, bon, alors j'ai présenté, puis j'ai déjà quelques questions. Bon, alors moi, je suis une historienne de formation, donc très monodisciplinaire, mais intéressée par des objets qui m'amènent à fréquenter d'autres disciplines, je dirais. Et donc, je suis spécialiste d'histoire urbaine à la base, histoire politique. Puis, en fait, j'ai développé comme presque naturellement un intérêt pour l'histoire environnementale, puisque quand on travaille sur les villes, on s'intéresse au territoire, à l'espace, donc au rapport entre les individus et les milieux. Donc, les perspectives développées par les études ou l'histoire environnementale apparaissait comme un débouché intéressant, d'autant plus que ça renouvelle le regard qu'on porte sur les villes en considérant les composantes vivantes des milieux urbains et, dans le fond, comment se construisent les villes à travers la transformation des milieux, disons, naturels et comment les milieux naturels transformés induisent des nouveaux rapports sociaux, des nouvelles configurations urbaines, etc. Donc, c'est vraiment l'idée d'étudier les deux à double sens, t'sais? Et donc de ne pas voir, admettons, la nature comme quelque chose qui serait inchangé, puis les humains qui, eux, se transformeraient vis-à-vis une nature qui demeurerait un peu statique, entre guillemets. Et donc, à partir de là... Là, je me suis dit, ben, dans le fond, l'eau est tellement comme centrale dans l'histoire de Montréal, de par ne serait-ce que les caractéristiques géographiques. Et je me suis dit, ben, on n'a jamais vraiment examiné l'eau en la problématisant puis en historicisant. On l'a toujours vu de manière instrumentale. T'sais. Bon, ben, l'eau, Montréal est née de la confluence entre des différents cours d'eau. L'eau a servi au développement économique de Montréal, à l'industrialisation, etc., etc. Mais donc, l'eau était toujours comme placée là, comme je disais tantôt, un élément vu comme une extension de la ville ou comme un outil pour parvenir à des fins de développement économique principalement. Et là, je me suis dit, ben, dans le fond, allons voir comment les Montréalais ont composé avec cette dimension de l'eau. Depuis, j'ai commencé, depuis la fin du 18e siècle, pardon, depuis la fin du 18e siècle, j'aurais pu reculer plus loin, mais comme mes champs d'expertise sont plutôt dans l'histoire contemporaine, même, je dirais, de 1850 en avançant plutôt. Tu sais, j'avais moins envie de reculer dans le temps. Ce que je voulais voir aussi, c'est à partir du moment où on a des moyens plus grands de transformer les milieux et où on commence à réfléchir à l'eau comme une composante qui peut servir au développement. C'est pour ça que j'ai commencé à la fin donc du 18e, début du 19e siècle. Puis là, je me suis dit, reconstituons un peu l'histoire de Montréal, mais en voyant comment le rapport avec l'eau a pu interférer avec l'histoire de Montréal. Donc, tu sais, dans le fond, c'était une approche qui était réfléchie, mais peu définie, dans le sens où, tu sais, j'avais pas comme un plan de match de départ. Je me suis dit, quels sont les enjeux qui, d'une certaine façon, à chaque époque, ben, à chaque époque à définir, justement redéfinissent les rapports entre l'hydrologie et Montréal. Et quels sont les enjeux du, à différents temps dans l'histoire qui entraînent une réflexion particulière puis des agencements nouveaux, disons. Fait que c'est comme ça que j'ai structuré mes travaux. Mais j'avais commencé, c'est peut-être pas très important, mais j'avais d'abord commencé vers le milieu, c'est-à-dire j'ai commencé beaucoup avec l'idée du développement des réseaux d'eau, approvisionnement en eau et réseaux d'eau usée pour l'évacuation. Donc des eaux usées, j'ai commencé par là pour toutes sortes de raisons, mais je suis pas sûre que c'est vraiment pertinent ici. Puis après, je me suis dit, mais voilà, si je veux saisir tout ça, il faut que je vois d'autres aspects. Puis c'est là que ça m'a amené à reculer un petit peu dans le temps. Et le livre, en fait, est organisé pas mal autour des périodes comme ça que j'ai définies. Donc, fin 18e, début 19e, c'est un moment où on redélimite les frontières de Montréal, on abat les fortifications. Donc, tu sais, on voit qu'une nouvelle conception de la ville qui émerge et qui entraîne par voie de conséquence aussi une réflexion sur l'eau. L'eau dans la ville qui coule dans les petits ruisseaux, l'eau stagnante et l'eau du fleuve, bien sûr. Et puis c'est une période aussi où on commence à... Montréal commence à développer ses fonctions commerciales et tout. Donc, ça, c'était un peu le point de départ où on commence à réfléchir à l'eau, mais où les moyens à la disposition ne sont pas très importants, à la fois les moyens politiques et les moyens techniques, disons. Voilà. Ensuite, je continue dans le temps. Donc, c'est ça. Peut-être qu'à cette époque-là, en fait, je pourrais revenir encore. C'est l'eau est pensée beaucoup comme dans ses dimensions de circulation. C'est-à-dire qu'on est dans l'époque où c'est l'eau vive qui semble être... l'eau vive est valorisée, l'eau stagnante est dévalorisée, puis la réflexion se fait beaucoup à travers ces deux pôles-là, eau vive, eau stagnante, grosso modo. Ensuite, ça entraîne justement le désir d'aménager la grève en face de Montréal. Quand on travaille sur l'eau, vous le savez, je ne suis pas avoir l'air d'une donneuse de leçons, mais il faut comprendre la morphologie, bien sûr, mais aussi l'état des lieux, quoi. La rive a été complètement redessinée, comme vous l'imaginez bien, et c'est la même chose pour la Loire. De toute façon, elle a été recouverte et tout. Bon, bref, à Nantes, mais... Et là, on veut, dans le fond, aménager le rivage face à Montréal pour tirer parti de la navigation, pour développer le commerce, etc., etc. Mais c'est une période où les moyens techniques et les moyens politiques sont assez limités, et donc il va falloir, comme je l'ai dit tantôt, que se développe davantage de moyens sur le plan politique et technique, et ça ouvre un peu comme une deuxième phase vers le milieu du 19e siècle, où là, Montréal est doté d'un gouvernement municipal, donc déjà là, il y a une possibilité de pouvoir aménager l'environnement. Et sur le plan technique aussi, c'est la grande période où on commence justement à penser les réseaux d'eau. Les ingénieurs anglais ont commencé déjà à élaborer certains systèmes et tout. Puis on voit à Montréal, effectivement, une phase de développement assez importante où on a un recours plus grand à des moyens techniques, une maîtrise plus grande des moyens techniques qui permettent d'utiliser l'eau de manière beaucoup plus systématique et active. Et c'est la grande nouveauté, c'est la mise en réseau de l'eau, justement, par le réseau de l'aqueduc et transformation du regard sur l'eau. Parce que jusque-là, on avait de toute façon pas les moyens, mais on allait chercher, puiser l'eau dans le fleuve pour l'utiliser à diverses fins, économiques, hygiéniques et tout. Mais là, avec un système d'adduction de l'eau permis par des nouveaux moyens techniques, c'est l'eau qui vient à la ville. Et l'eau qui vient à la ville de manière constante et toujours en mouvement. Ça, c'est l'eau courante, comme l'eau qu'on a aujourd'hui quand on ouvre le robinet. Oui. Quelle année L'eau courante, en fait, c'est 1856. 1856? Oui, la ville de Montréal met en opération, c'est ça, en 1856, c'est le début du système d'approvisionnement en eau de Montréal, mais toute la ville n'est pas approvisionnée, bien sûr. Et donc, à partir du moment où, c'est ça, où on a les moyens techniques d'aller chercher cette eau et de la faire circuler en ville, ça transforme complètement d'une certaine façon le rapport à l'eau qui devient un élément de la vie courante. Et c'est l'eau courante, justement. Mais ça entraîne évidemment toutes sortes de problèmes au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces eaux usées qu'on produit. Et donc, se développe un peu simultanément l'idée d'un réseau du tout à l'égout. Puis après, dans les livres, on explique pourquoi cette vision-là du tout à l'égout, par la peur des eaux stagnantes en particulier, mais c'est parce qu'on a de l'eau courante qu'on est capable aussi d'évacuer les eaux usées en se servant de l'eau potable, en fait. Hein, c'est, et donc, d'empêcher l'accumulation des eaux usées et des eaux stagnantes. Fait qu'il y a ce développement-là, puis en même temps, c'est là où le port de Montréal commence aussi à être vraiment aménagé, parce qu'on a plus de moyens, plus de capitaux aussi, pour commencer à transformer la grève, la rive. Hein. On sait que l'eau est, le niveau de l'eau est beaucoup plus bas que le niveau de Montréal. Il y a une petite pente en fait. Hein, vous pouvez voir ça dans mon ouvrage. Il y a une photo, une reproduction d'une toile un peu idéalisée où on voit cette grève avec les Montréalais qui avaient accès à l'eau et tout. Voilà, exactement. Donc, on va rehausser. En fait, on va commencer à établir des quais à la hauteur de la rue des commissaires, comme on appelle à l'époque, et commencer à développer le port. Donc, c'est une période du milieu du 19e siècle jusqu'à la fin de ce siècle, où vraiment forts aménagements quoi, qui transforment cette relation à l'eau, qui aussi est liée au développement des activités industrielles de Montréal, avec le canal de la Chine qui est aménagé. Donc, tu sais, on voit vraiment une période où l'eau devient exactement une machine vivante. Hein. Il y a un concept qui a été développé par une historienne américaine qui appelle les fleuves « organic machine ». Et ce que ça veut dire, ce concept de machine organique ou machine vivante, c'est que, dans le fond, le fleuve devient comme un équipement industriel, si on veut, un équipement technique, mais même s'il est transformé, pollué, réaménagé, redessiné, garde toujours une composante vivante. Même le fleuve, même les cours d'eau les plus pollués ont toujours une composante vivante, parce que même les substances polluantes vont entraîner la prolifération de nouvelles espèces, de microbes ou tout ce que vous voulez. Donc, composante vivante, une machine vivante et machine organique, je trouve que là, vous, vous arrivez sur un concept qui a été, une approche qui a été développée par Richard White, un célèbre historien américain de l'environnement, et ça fonctionne très bien, et c'est justement de comprendre ce que je disais tantôt comme dynamique. Enfin bref, ensuite, on arrive à une période où les enjeux, ben justement, donc si la deuxième période, c'était vraiment la mise à contribution de l'eau pour les développements urbanistiques, économiques, commerciaux. On arrive à une période de crise, si on veut, une première période de crise au début du 20e siècle, où toute cette modernité qui a été établie par les réseaux d'eau a atteint une certaine limite, parce que plus on utilise de l'eau, plus on produit de l'eau polluée, et donc ce qui fait en sorte qu'on a des problèmes d'approvisionnement de l'eau en eau, c'est-à-dire de la population montréalaise d'une part, et que d'autre part, ben il y a plein de conflits qui sont générés par ces rejets d'eau usée dans le fleuve ou sur les autres rives du côté de la rivière des Prairies. Donc, ça engendre toutes sortes de débats politiques, et etc., etc. Et j'aurais peut-être la difficulté, dans le fond, à qualifier. Tu sais, c'est comme là, j'ai l'impression que je suis en train de vous dire que de 1900, disons, aux années 40, il y aurait eu comme une période en soi, mais je suis pas sûre de citer comme en vous parlant, en fait. Je vois pas nécessairement une période tellement différente que les retombées, peut-être, de ce type de développement-là. Puis on atteint une certaine limite. Bon, le port a été à nouveau modernisé, etc. Mais on voit déjà, disons, des problèmes, peut-être, on pourrait dire comme ça, liés à cette exploitation de l'eau à diverses fins, comme on le voit, comme je l'expose maintenant. Oui? Juste parce que c'est vrai que c'est des paroles, j'imagine, on a beaucoup de traces de l'apparition de nouveaux usages, oui. De l'apparition des conflits, c'est là où justement les usages qui étaient établis, peut-être de pêche, d'utilisation traditionnelle du fleuve, l'attention est bien arrivée entre ces usages-là et les nouveaux usages industriels. Est-ce qu'on a une trace, en fait, en gros, est-ce qu'on a une trace des usages du fleuve à quotidien des Montréalais très difficile. Ouais, très très difficile. On le suppose, mais c'est ouais. Super difficile. Mais on peut revenir à cette question-là. Voilà. Gardez-la. Voilà. Non, parce qu'on va y revenir. On va y revenir, ben, je veux dire, si vous voulez, bien sûr, mais parce que c'est une dimension qui est assez compliquée. Mais oui, c'est toujours la même chose. On a toujours la difficulté à documenter les usages populaires dans l'histoire, tu sais, parce que les sources manquent, en fait. Ou bien parce que c'est des usages qui ne nécessitaient pas d'avoir, d'être documentés par des sources, tu sais, particulières, par exemple la pêche, tu sais. On a quand même des traces de, tu sais, de pratiques de pêche à certains endroits autour de l'île, mais disons que même durant cette période, je me rappelle un des professeurs, Jean-Claude Robert à l'UQAM, dont, qui est plus vieux, qui a peut-être 75 ans, qui me disait, ah, le soir, je me rappelle, quand mon père rentrait du travail, tu sais, il allait chercher sa canne à pêche, puis il la lançait dans l'eau du fleuve, il vivait dans l'Est. Et donc, ça... ça, donc, on a cette trace, et on sait que oui, il pouvait y avoir de la pêche. Mais votre question amène quand même, et là, j'étais peut-être trop partie sur ma lancée, amène l'idée quand même que toutes ces rives sont redessinées, justement, dans cette période de développement des moyens techniques. Et toutes les rives sont dessinées par le port, par le canal de la Chine, déjà d'une manière considérable, tu sais, dans la, avant même l'après Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, on a toujours l'impression que tout éclate à ce moment-là, mais il y a déjà une couche, si on veut, de transformation significative, puis on le voit très clairement dans le patrimoine montréalais. Tu sais, Montréal est une ville industrielle qui tire parti de l'eau et qui fait en sorte que toute la rive va être occupée très tôt, jusqu'à Pointe-aux-Trembles, tu sais, au début du 20e siècle. Déjà, tout ça, c'est urbanisé, transformé pour les usages économiques, industriels et du transport maritime. Et ce qui est intéressant, ben, ce que je montre aussi dans le livre, c'est qu'on développe aussi l'autre rive de l'île de Montréal, la rivière des Prairies, c'est le chapitre 5. Mais c'est un projet qui semble un petit peu être à part. C'est qu'on va, tirer parti des rapides vis-à-vis la pointe de la Visitation pour faire une centrale hydroélectrique qui est toujours en fonction aujourd'hui. Et donc là, je m'arrête un peu sur ce moment-là, puis on a des traces un peu des usages populaires, parce que on voit comment, justement, dans un endroit qui est beaucoup plus, sur une rive qui est beaucoup plus occupée, on voit l'entrechoquement, si on veut, des différents usages de l'eau, rejet de l'eau, puis de l'eau potable, bien sûr, puis comment le barrage transforme l'hydrologie en rehaussant le niveau de l'eau, en ralentissant le courant, en l'accélérant selon l'endroit où on se trouve, en amont ou en aval du barrage, et créer des nouvelles conditions propices à la baignade. Et ça, on voit qu'il y a de la baignade qui se fait dans les années 30, parce que dans les archives municipales, par exemple, les fonctionnaires du bureau d'hygiène publique vont dire les gens se baignent à des endroits dangereux, il y a des noyades chaque année, puis l'eau n'est pas toujours propre à la baignade et tout. Donc, tu sais, par ces sources-là, on commence à comprendre un peu qu'il peut y avoir des usages populaires. Puis ensuite, c'est la grande période, bien sûr, de l'après-guerre. La grande période de l'après-guerre, je dis la grande période parce que c'est une période de poursuite de l'urbanisation des rives, de transformation des milieux à une nouvelle échelle, puis qui est un moment clé dans l'histoire de Montréal, puisque Montréal va être déclassé parce qu'on va reconstruire la voie maritime du Saint-Laurent, dont je pourrais parler, mais qui n'est pas le canal de la Chine, mais qui est parallèle, mais qui donne sur la rive sud. Et on aménage cette grande voie, ce grand canal, cette grande autoroute fluviale, dans le fond, pour les navires de plus en plus grands, pour rejoindre les grands lacs sans être arrêtés dans la navigation par les accidents, si on peut dire ainsi, du fleuve. Et ça transforme fondamentalement Montréal, puisque maintenant, la circulation, le commerce transatlantique peut se faire sans s'arrêter à Montréal, comme ce fut le cas jusqu'auparavant. Et puis, c'est intéressant de considérer aussi cette voie maritime pour d'autres raisons, parce qu'on décide de l'aménager donc sur la rive sud, parce que c'est moins développé. C'est un secteur plus agricole. Et puis, c'est vis-à-vis aussi la réserve de Kanawake, une réserve autochtone. Puis on se dit, dans le fond, couper la réserve autochtone de son accès au fleuve, ça ne causera pas beaucoup de problèmes. Alors que, comme ici, la rive est très, très aménagée, ça aurait été compliqué de tout redessiner, si on veut. Et donc, c'est déjà une intervention très forte, si on veut. Puis, il y a l'urbanisation beaucoup plus systématique des rives de l'île de Montréal. Tu sais, jusque-là, il y avait certains endroits qui étaient développés. Bon, face à Montréal, on en a parlé, mais il y a aussi des petites localités, soit des anciens villages qui se transforment en lieux de villégiature, qui vont devenir éventuellement des banlieues résidentielles. Et donc, on a vraiment une urbanisation beaucoup plus intensive des rives de Montréal, de l'île. Et puis, paradoxalement, on a aussi le désir de quitter l'île, et c'est là où explose la construction de liens pour rejoindre le continent, donc plein de ponts qui sont aménagés tout autour de l'île, mais qui étaient, il y en avait déjà, hein, ça commence pas en 50, mais disons que là, ça se multiplie avec l'usage de l'automobile. En fait, tu sais, c'est des tendances qu'on voit ailleurs. Donc, ces tendances-là sont pas si originales, et c'est là aussi où on va recouvrir, il me semble, la Loire dans la ville de Nantes, hein, avec l'usage de l'automobile qui se répand. T'sais. Donc l'eau partout devient comme une sorte d'obstacle. T'sais. L'eau qui était un atout devient une sorte d'obstacle à la circulation, au mouvement, à l'urbanisation, et donc un encombrement d'une certaine manière. Et c'est là où on peut dire que les Montréalais tournent le dos au fleuve, qui est une expression que je déteste. Parce que en réalité, qu'est-ce que ça signifie tourner le dos au fleuve alors que on tire sa subsistance, sa survie, on la tire de l'eau du fleuve. Hein? Je veux dire, on continue à se breuver en eau, on continue à se délester de notre pollution par l'eau, etc., etc. Donc on tourne le dos au fleuve. C'est une expression qui est un peu particulière. Et sur laquelle on pourrait toujours discuter tantôt. Bref, grande période donc de transformation des milieux par l'urbanisation, l'automobile, j'ai dit, et la voie maritime. Et puis, ce qui se passe, c'est vrai qu'à partir des années 60, disons, ben tous ces aménagements techniques atteignent à nouveau leurs limites, et les systèmes mis en place réussissent plus, par exemple, à permettre d'approvisionner la population en eau potable. Et c'est vrai à large échelle, mais c'est particulièrement vrai aussi à Montréal. Donc, on atteint une certaine limite, et ça va engendrer des politiques. Alors là, à l'échelle de l'État, beaucoup plus contraignante pour limiter les rejets polluants dans l'eau. Et ça entraîne aussi un désir de se rapprocher de l'eau ou de pouvoir, tu sais, dans le fond, parce qu'on entre aussi dans une période de société des loisirs, et ça, on le trouve ailleurs aussi, hein, et donc un désir de se reconnecter, de se rapprocher de l'eau à la même époque. Et donc, toutes sortes, en fait, cette question de la pollution et du désir de reconnecter avec l'eau se construisent vraiment ensemble. Hein. C'est vraiment à partir des débats sur la pollution, les dangers, et tout que se construit ce désir de rapprochement avec l'eau, qui correspond, comme j'ai dit, avec le développement des loisirs, de la société des loisirs, une amélioration du niveau de vie. Tu sais, c'est la société de consommation que vous connaissez bien en France aussi. Et donc, ça, c'est pas très particulier. Là où il y a une articulation un peu particulière, c'est comme si, à cette époque-là, qui marque aussi, années 70, la désindustrialisation, qui frappe plein d'économies, c'est comme si le fleuve n'arrivait plus à rendre ses services sur le plan économique. Alors, d'une part, la circulation maritime, le commerce transatlantique échappe à Montréal, puis en plus, toutes ces installations industrielles qui ont profité du pouvoir de l'eau pour se développer, ben, tombent dans une crise parce que, vous le savez, hein, c'est le recul de l'économie industrielle dans les pays du Nord, dont Montréal aussi. Alors, pour Montréal, c'est aussi désastreux, cette désindustrialisation qui entraîne du chômage et tout. Fait que moi, je vois là un point tournant majeur. Le fleuve remplit plus ses services économiques, et c'est là que se développe un désir de rapprochement avec l'eau, puis de reconnecter sur la base d'usage, de loisirs, etc., etc. Et là, on va dire, ben, c'est ça, c'est là qu'on dit reconnecter, et se crée une sorte de mythe à l'effet que les gens ont déjà vécu en symbiose étroite avec l'eau, qu'ils ont été séparés, tu sais, vraiment qu'il y a eu une rupture entre l'eau et la population à l'ère industrielle, et que là, on est dans le temps de la reconnexion. Donc, réhabiter le fleuve, vous êtes absolument là-dedans. Oui. C'est années 60? Moi, je dirais 70 plutôt, tu sais, que ça devient, ben, pour Montréal, c'est peut-être qu'en France, ça peut... Parce que, tu sais, c'est des phénomènes, encore une fois, je vous dis qu'on pourrait quasiment tracer de manière presque parallèle. Mais là où ça devient intéressant, c'est de voir comment ces problématiques, disons, s'articulent à des milieux différents, parce que l'hydrologie est différente, parce que les aménagements peuvent être différents, et l'économie aussi. Je veux dire, Nantes n'est pas Montréal, mais Nantes, c'est quand même un port maritime. Montréal, c'est un port fluvial. Tu sais, il y a toutes ces distinctions à faire, puis les aménagements sont pas les mêmes. Mais je pense que cette idée de, c'est ça, l'idée de la reconnexion, et ça, c'est dans, j'arrête mon livre en français là, tu sais, où je suis un petit peu, comment je pourrais dire, c'est pas cynique, mais je suis un peu critique par rapport à cette vision nostalgique des baby boomers, je trouve, d'une certaine façon, qui existe. Ah, jadis, les Montréalais avaient cet accès direct à l'eau, on veut le retrouver. Et c'est par ces lamentations, je dirais, qu'on essaie, qu'on va faire pression pour qu'on redessine les rives de l'île de Montréal. Et ça tombe bien parce que ces rives sont abandonnées par les installations, justement, les usines et les entreprises. Et donc, on va reconvertir les rives à des fins de récréation et de loisirs, ce qui va donner lieu à Montréal à l'aménagement du vieux port de Montréal, puis à ces grands parcs au pourtour de l'île. Qui nous conduit presque jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Cependant, vont se greffer éventuellement toutes sortes d'autres projets. Puis c'est là, c'est pour ça que je vous ai envoyé une petite partie de la section anglaise, parce que ce que je voyais, c'était comme une sorte de nouvelle représentation du fleuve qui émerge à partir de ce moment-là. Et le fleuve est conçu comme un espace public. C'est vraiment un bien public. Et puis là, vous, bien commun ici, dans vos termes. Mais tu sais, j'invente rien, hein. L'historienne fait juste capter ce qu'elle saisit avec son interprétation, et vos interprétations sont différentes parce que vos approches et vos sensibilités le sont aussi. Mais on voit bien une génération, je pense, plus jeune, là, ben, tu sais, qui n'est plus dans la fin du 20e siècle, début 21e siècle, où le fleuve est conçu. Ça ne veut pas dire qu'il est en opposition avec la période précédente, mais c'est vraiment l'idée d'un fleuve bien public, un espace qui devrait être accessible à tous. Et toutes sortes de projets sociaux, culturels, vont s'élaborer en lien avec le fleuve réel, ou présent, ou le fleuve imaginaire, comme le fameux village au pied du courant, où l'eau est, tu sais, le site est important, mais l'eau, on la voit même pas, tu sais. Et pourtant, c'est au pied du courant, et on sait très bien où on est, puis on est vraiment dans des installations où on voit les conteneurs, et tout ça, c'est super important. Mais donc, tu sais, le fleuve peut être sublimé, je dirais, jusqu'à un certain point. Et ce qui est bien, c'est que quand on étudie un peu plus, c'est ce que j'ai fait pour la version anglaise, très superficiellement, j'en conviens, mais comment les valeurs, de nouvelles valeurs sociales sont projetées, finalement, sur l'eau, sur les cours d'eau, sur le rapport à l'eau, eau qu'on définit de manière très générale depuis le début, hein, comme si c'était un élément unique, alors qu'on devrait toujours parler d'eau au pluriel, ce que j'argumente dans le livre, parce que l'eau est jamais la même, hein. L'eau est jamais pareille, et quand je faisais le livre, tu sais, j'expliquais à une des personnes qui m'a relu que l'eau qui entrait dans le canal de l'aqueduc, dans le fleuve, n'était pas la même que l'eau qui en sortait. Elle me disait, mais voyons, de l'eau, c'est de l'eau, c'est H2O, tu sais, c'est quoi que tu dis là, tu sais. Mais je disais, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, on a de l'eau vive, et de l'autre côté, on a une eau potable qu'on va distribuer à des gens à travers tout ce réseau des tuyaux. Et c'est vrai que d'une certaine façon, c'est la même eau, mais c'est une eau qui est transformée comme un bien, une commodité pour employer, commodity, pour employer un terme anglais. Et c'est un bien qu'on va d'ailleurs taxer, qui va coûter quelque chose, hein. Tout le monde paye une taxe pour avoir accès à l'eau. Donc, on peut dire, oui, c'est la même eau, surtout à partir du moment où, surtout à l'époque où l'eau n'est pas traitée, hein, où l'eau, c'est vraiment la même eau dans ce sens-là. Mais ce processus par lequel on rend accessible l'eau, transforme le rapport à l'eau et transforme les rapports sociaux aussi. Donc c'est plus la même eau dans ce sens-là, et donc c'est pour ça que je dis on peut parler des eaux au pluriel, au-delà du fait que l'eau n'a pas la même composante chimique et tout ça partout. Les manières dont on donne accès à l'eau, les usages de l'eau font en sorte que c'est pas tout le temps la même eau dont on parle finalement. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important. Et dans le livre, ben, je dis que ben, l'eau, c'est un élément à historiciser. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est égal tout le temps, partout, et de la même composition, bon, là, etc., etc. Donc, c'est à peu près, c'est à peu près ça. Fait que vous voyez que dans ma démarche, le grand défaut, je dirais, la qualité, à mon avis, c'était d'être capable d'identifier des points tournants, tu sais, ou des points tournants où il y a des les relations se transforment, il y a des enjeux, il y a des débats, il y a des aménagements. Mais le défaut, d'une certaine manière, ça, c'est que j'ai pas suivi chacune de ces transformations-là comme j'aurais dû le faire si j'avais fait une monographie plus classique, c'est-à-dire de voir à un moment donné comment ça évolue, par exemple, la distribution de l'eau potable, les réseaux d'eau usée. Tu sais, j'ai pas suivi dans le temps chacun des aménagements que j'ai pu faire émerger au moment où il a émergé. J'en reparle un peu ici et là, mais c'est pas fait de manière linéaire comme ça aurait pu l'être, parce que mon ambition, c'était de dire, ben voyons comment justement l'eau, l'hydrologie a contribué à l'urbanisation de Montréal et comment la transformation de l'eau, comment l'urbanisation, pardon, a transformé l'eau sous toutes ses formes. C'est donc cette relation réciproque. Et donc, je voulais tracer un large tableau. Fait que dans ce temps-là, on prend des raccourcis, bien sûr. Ben, pour vous, c'est peut-être pas des raccourcis, mais pour les historiens. Ça l'est. Parce que chaque chapitre aurait pu faire l'objet d'un livre, tu sais, en approfondissant, en étant beaucoup plus, comment je pourrais dire, subtil, plus fin, plus nuancé, plus tout ça, quoi. Après, c'est l'intérêt justement de conception des eaux. Ouais. Et peut-être juste pour finir rapidement, c'est ça, dans la version française, en conclusion, j'ai une anecdote à l'effet, justement, on revient à la pêche, tu sais, parce qu'il y a eu quelques années, ben, ça devait être en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus, il y a des pêcheurs qui ont été pris à faire du braconnage, donc de la pêche illégale, tu sais, dans les eaux du port de Montréal. Et ou en tout cas à proximité du port de Montréal, et ont été pris sur le fait, puis ce poisson-là était vendu dans les restaurants du quartier chinois. Et donc, ça prouvait mon point, à l'effet que, j'ai oublié de le dire, mais tu sais, ce désir de reconnaissance avec l'eau arrive aussi à un moment donné où les réglementations sont beaucoup plus sévères et la qualité de l'eau s'améliore nettement. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut se baigner là où on ne pouvait pas se baigner 50 ans plus tôt. T'sais. Bon, bref, et donc on peut pêcher aussi. Bon, peut-être pas manger ça tous les jours, mais quoi qu'il en soit. Et ça me semblait que ça reflétait bien, ça cristallisait bien certaines des tendances. Puis dans la version anglaise, en fait, j'ai changé l'anecdote parce qu'il y avait 6 ans qui s'étaient écoulés. Et l'anecdote, ça a été le grand déversement, hein, des eaux usées dans le fleuve pour faire des réparations, etc., etc., et qui a suscité énormément d'émoi et d'émotion. Et puis moi, je me disais, ben voilà, c'est la preuve qu'on est connecté avec l'eau. Parce que on a été extrêmement touchés, puis là on s'est dit ben c'est notre fleuve, et puis mais c'est la connexion des eaux usées avec des eaux idéalisées qui servent à... Donc tu sais, je voyais toute cette connexion dans les débats, et je disais ben dites pas que vous êtes déconnectés. Et je trouve que dans les nouvelles tendances justement, des projets en urbanisme et tout ça, on est de moins en moins dans un discours nostalgique par rapport à l'idée de reconnecter, mais on est plus dans l'idée qu'avec l'eau, on peut imaginer d'autres types de rapports sociaux, d'autres types de projets, d'autres types d'aménagements. Donc, je trouve ça plus sympathique ou réjouissant. Alors, ce discours de la nostalgie est beaucoup moins présent, je trouve, dans la, par exemple, au pied du courant. C'est sûr qu'on évoque un peu le passé, mais on ne dit pas qu'on veut renouer. On dit juste qu'on veut développer des nouveaux usages, on veut développer des nouvelles façons de s'approprier l'eau au bénéfice de tous. Mais c'est très compliqué à Montréal. Vous avez vu le paysage. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, parce qu'à chaque fois qu'on veut se réapproprier l'eau, c'est vraiment beaucoup par rapport à la façade qui donne sur le fleuve. Est-ce qu'on démolit tout ça, là? Silo numéro 5. On a d'autres projets pour ça qui aboutiront peut-être jamais. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ce patrimoine? Et c'est compliqué pour Montréal parce que c'est une ville où, industrielle où les installations sont omniprésentes. Et c'est une ville aussi, et là pour Nantes, j'en sais moins, mais où il y a beaucoup de niveaux de gouvernement ou d'instances décisionnelles qui viennent empêcher les choses d'être. T'sais, il y a la ville de Montréal, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, la société du Vieux-Port, le port de Montréal, Hydro-Québec et la... l'association, et c'est là que mon ordinateur répète utile, la grande association des Grands Lacs Saint-Laurent, parce que il y a tout ça aussi qui joue. Donc, il y a toutes ces interférences-là qui font en sorte de compliquer la situation et qui bloquent particulièrement Montréal, moi, je pense, les projets, peut-être plus qu'ailleurs, tu sais, dans d'autres villes. Bon, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Qui bloque les projets de... Ben de réappropriation, ouais, de transformation, ouais. De... Il les bloque, genre du patrimoine industriel délaissé. Ben qu'il les bloque dans le sens où comment, tu sais que par exemple Montréal, à Montréal, le port est toujours très très actif, ouais. Et le problème c'est que ben le port de Montréal veut pas céder de terrain. Ouais. Parce que de toute façon, il est encore en développement. Donc, tu sais, si on veut, et il y a une super bonne thèse en géographie, Jeanne-Hélène Jugy, une de vos compatriotes, J-U-G-I-E, Jeanne-Hélène Jugy. C'est une thèse qu'elle dit en écologie, comment qu'elle appelle ça, non? Spatiale. C'est pas d'écologie politique, c'est un autre terme, un peu écologie territoriale. Mais ce qu'elle montre, c'est donc, c'est vraiment une géographie d'aujourd'hui et tout, mais ce qu'elle montre qui est super bien, c'est qu'elle dit que les grands décideurs, si on veut, prennent des décisions, par exemple, par rapport au port de Montréal, par rapport à des dynamiques qui sont internationales et par rapport à des gens qui s'enrichissent et dont les biens échappent à la population locale. Et puis après, il y a les revendications de la population locale qui veulent justement se réapproprier ou s'approprier, moi j'aimerais mieux dire même approprier des rives. Et donc, il y a ces deux logiques-là qui s'entrechoquent et qui sont particulièrement vives, je dirais. Et donc, elle a examiné ça dans sa thèse, mais c'est une thèse en géographie des transports. Alors, ça vaut peut-être la peine, tu sais, d'aller voir. Vous savez que vous avez accès aux thèses de l'Université de Montréal, n'importe qui. C'est Papyrus, P-A-P-Y-R-U-S. Puis, il y a peut-être des petits bouts dans la thèse. Et c'est le fun parce qu'on peut télécharger la thèse et donc faire, tu sais, de la recherche par mots-clés, tout ça. Aller voir ses cartes et tout. Mais c'est une personne vraiment super intéressante. Puis, elle a travaillé sur un conflit dans l'Est de Montréal. Aussi. Tu sais, il y a quand même une dimension sociale, mais je trouve qu'elle la pose vraiment bien. C'est cet empêchement de faire des choses, quoi. Mm-hmm. Et tu nous disais ici sur l'arrière, cet aménagement du canal sur la rive sud, oui. Là, oui. Qui prive en gros la réserve indienne dans son rapport à l'eau. Et autant on sent justement cette réappropriation, de l'eau. Face à cet usage exclusif de certaines berges par justement le commerce international, est-ce qu'il y a des revendications qui existent ou des gens qui étudient justement cette coupure qui a existé? Parce qu'en fait, là, on sent justement dans l'exclusivité du port de Montréal, où c'est impossible d'accéder sauf pour affaire, qu'effectivement les gens qui habitent l'île de Montréal sont coupés du fleuve et c'est ça qui réclame en fait, de retrouver ce rapport-là. Est-ce qu'il y a les mêmes revendications sur le rapport de la réserve indienne? Ben oui, il y a d'ailleurs. Il faudrait que je vous envoie ça. Et là, je sais pas, mon ordinateur est gelé, là. Je sais pas ce que vous... C'est quoi les ondes ici? Non, je rigole. Mais je sais pas, il est gelé. C'est pour ça que je voulais avoir accès à Internet, tu sais. Parce que sur la... Tu sais, il y a... Si tu veux redémarrer l'ordinateur, ben, c'est ça que j'essaie de faire, puis... Mais je me souviens plus comment faire un force quit ou... etc. Donc, mais là... De forcer l'arrêt. Je vais faire. Et tu vas me contrôler sur ça. Kana wa Ike et Voie maritime. C'est parce qu'il y a un petit film qui a été fait par l'association culturelle de la réserve de Kana wa Ike et qui est... Je me demande si je ne l'avais pas dans la bibliographie. Parce que là, je ne le vois pas apparaître. C'est un film pas assez long. Hein. Peut-être qu'il n'est plus en ligne. Je vais juste regarder vite. Mais donc, tu sais, il y a un discours qui s'est vraiment constitué sur la coupure des autochtones par rapport au fleuve. Et je l'avais mis dans ma bibliographie, mais bon, j'essaie de le retrouver. On peut continuer. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a vraiment une revendication et beaucoup de frustration. Mais du côté des populations blanches, disons, c'est une rive qui s'est de toute façon urbanisée, c'est suburbanisée. Et il n'y a pas eu. Il y a ici, là, quand même, des demandes de reconnexion, etc. Mais en fait, les choses sont souvent. Est-ce que tu peux nous faire. Tu sais, comme il faut peser sur 3-4 boutons à la fois, là, tu sais, pour le. Mais tu sais, je pense que les choses existent de manière assez localisée. Tu sais, il faut aller voir du côté de telle société ou telle société. Par exemple, à Saint-Lambert, il me semble qu'il y a un petit mouvement. Il y a la Société d'histoire du Marigot, M-A-R-I-G-O-T, qui est peut-être un lieu où on pourrait vous parler d'initiatives citoyennes, etc., pour se réapproprier des rives et ces choses-là. Ah, ben merci. Moi, j'ai juste là. Mais c'est parce que je me souviens plus des boutons sur un truc. Je pense que c'était appuyé longtemps sur. Sur ça, ici, là. Non, l'autre, en haut à droite, éteint. Ah, éteint. Ouais, je pense. Ah, puis moi, j'étais là. Ok, ouais. C'est parfait. Merci. Bon, mais en français, ça marche pas. St. Lawrence, si oui, je vais essayer en anglais, mais peut-être que le film est parti. Mais écoutez, en fait. C'est un film qui, je me demande s'il n'a pas été enlevé, le lien. Mais c'est un film qui était vraiment intéressant parce qu'on voyait justement comment s'articulait chez les Mohawks de Kanawake cette question-là de la coupure avec l'eau, qui est une, St. Lawrence Seaway, c'est ça, qui est une de leurs revendications, mais qui est tombée un peu dans l'oubli parce que qui ça dérange après tout? C'est un peu comme ça. Mais c'est ça, ça sort pas. Même en anglais. Mais là, je vois une article. Bon, OK, je vous redonne votre revenu. Mais je pourrais le retrouver. Tu sais, dans le fond, ce qu'on pourrait faire, c'est que vous me donniez la liste. Peut-être que de vos questions. Parce que je me rends compte que j'ai pas. Tu sais, je vous ai envoyé une section du chapitre, mais j'ai pas envoyé les notes. Les références, c'était les notes parce qu'elles sont en fin de livre, dans la version anglaise, j'entends. Et là, j'ai pas mal de nouvelles références bibliographiques parce que j'ai vu apparaître, tu sais. En fait, j'ai essayé de voir quels étaient les acteurs actuels, en tout cas, une partie du moins, qui développent des projets ou en tout cas un discours sur l'eau. Et Jean-François va être au courant, tu sais, le projet métropolitain d'aménagement du Grand Montréal, le PMAD, qui a été mis en place il y a peut-être en 2012 ou 2014, je ne me rappelle plus, mais tu sais, c'est la concertation, si on veut, de tous les organismes à l'échelle de la région montréalaise pour penser un plan, tu sais, de développement qui tienne compte du respect, du maintien des espaces verts, des espaces bleus. Et, tu sais, donc, à l'échelle métropolitaine aussi, il y a des fonctionnaires, mais il y a aussi des groupes qui... Tu sais, c'est énorme, quoi. La quantité de gens qui se retrouvent autour de cette question d'eau, puis ça lâche pas. Tu sais, je veux dire, on pourrait couper ça, mais... Tu sais, il date de 2011, le livre. On est rendu en 2019, tu sais, puis vous m'appelez. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas fameuse du tout. J'ai pas tiré 10 000 copies, hélas. Ça aurait été payant. Mais tu sais, c'est pour dire comment cette question-là, tu sais, continue à mobiliser puis à se reformuler. Mais bon, moi, j'ai assez parlé. Peut-être, je dirais quand même que par rapport à, c'est ça, au terme, bon, réhabiter, pourquoi réhabiter? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Là, c'est pas nous qui voulons le dire, justement. Et là, c'est la question qui est intéressante, c'est la difficulté qui est donnée par les mouvements d'architecture. Ah oui, OK. Et du coup, nous, on répond à cet appel-là, sachant que, justement, en fait, avec le collectif, nous, ce que tu disais un peu dans le couloir, on a fait une première rencontre à Bruxelles, donc un projet pour notre production qui s'appelle Habiter l'eau. Oui. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on questionne avec le président. Pourquoi, en gros, des institutions qui commandent un peu à. Qui nous invitent à venir en résidence pour réfléchir sur la question de l'eau et du fleuve utilisent ce ré. Ce retour. Oui. A-t-on jamais habité le fleuve? C'est une vraie question. Et de quelle manière? Et qu'est-ce qui est justement dans ce mythe de la déconnexion et du coup de la reconnexion? Et c'est un peu là où j'allais aussi en posant la question sur sur la réserve Kanawake. C'est qu'on sent que autant sur des initiatives, notamment à Montréal, là, de nouvelles initiatives citoyennes, il y a une vraie volonté de s'organiser pour se donner un accès, pour refaire des revendications dans cette école. Et du coup, il arrive plus ou moins, enfin, le village du Grand, etc., tous ces les baignades là, oui, tous les projets de plage aussi, qui émergent en fait de projets de concertation, etc. Alors qu'en fait, sur la réserve, c'est un intérêt particulier, puisque je ne sais pas, je n'ai pas une image vraiment réaliste de la réalité des Indiens, mais c'est les gens qui habitaient là avant, qui vont arriver toute une société qui s'installe, qui se retrouvent en fait regroupés dans une réserve, donc on coupe l'accès au fleuve. Et là, il y a au contraire peut-être plus une question de réhabiter, ouais, qu'une question d'habitation. Du coup, peut-être que moi, ça m'intéresserait de poser justement sur ce ré. Si on utilise ce réhabiter, on va aller chercher plutôt dans les questions qui ne sont pas forcément soulevées par des gens qui d'eux-mêmes vont revendiquer des choses et s'auto-organisent pour développer des choses au bord du fleuve. Mm-hmm. Et du coup, quel est le rapport, par exemple, des hommes, est-ce que tu pourrais nous dire en tant qu'historienne, le rapport de ces peuples-là à l'eau, même avant la colonisation peut-être? Est-ce qu'ils étaient donc semi-nomades, nomades? Est-ce qu'ils utilisaient le courant? Comment c'est devenu justement avec la colonisation? Comment ils se sont retrouvés dans des réserves? Ouais. Et le rapport en fait avec le reste de la société civile, parce qu'on voit bien que Montréal est une ville hyper cosmopolite, avec énormément de cultures différentes qui cohabitent dans ce système communautaire assez ouvert et assez. Et donc, autant on sent que ces communautés en fait s'organisent même là-dessus, mais on sent moins peut-être justement l'interpénétration de la culture indienne avec le reste des communautés. Mm-hmm. Ben, en fait, c'est une question super complexe. Là. Vous avez 4 heures. Et puis en plus, je ne suis pas spécialiste de l'histoire autochtone. C'est toute une spécialité. Mais c'est parce qu'il y a différentes couches d'histoire. Et puis il y a différentes nations autochtones qui sont passées par Montréal, qui s'y sont installées. Tout ça. Bon, à Kanawake, c'est encore une autre histoire, dans le fond. Ça fait partie de la Ligue iroquoise. Donc les Mohawks, qui sont un des peuples de la Ligue iroquoise, se sont établis là. Dans quelles circonstances? À l'origine, j'en sais rien. En fait, on peut dire quand même, oui, ça me revient là. Bon, ce sont ce qu'on appelle les autochtones domiciliés, c'est-à-dire qui sont pris en charge par les autorités religieuses au 17e siècle pour tenter de les convertir. Et donc, on leur donne de la terre, un accès à une subsistance et on tente de les assimiler ou de les transformer en blancs. Et c'est de là que origine, par exemple, Kanawake. Mais les autochtones se développent aussi dans leurs propres coutumes et leurs propres rapports au territoire, qui est effectivement transformé en réserve au 19e siècle. Mais la relation entre Montréal et Kanawake, elles sont nombreuses néanmoins, parce que on va utiliser la main-d'œuvre autochtone pour faire, par exemple, le canal de la Chine, entre autres, pour construire le pont Victoria, construire le pont du Canadien Pacifique en 1885. Il y a des échanges comme ça qui se font dans un rapport inégal, c'est sûr, mais c'est des échanges, c'est vrai, qui ne sont pas très documentés. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de recherches, et parce que c'est vrai que les liens ont pu se transformer, mais c'est il y a des questions politiques extrêmement sensibles aussi, parce que comme ils n'ont jamais réussi à obtenir la reconnaissance de leur territoire sur cette réserve-là qui a été grugée par toutes sortes d'événements, eh bien, ils se retrouvent en surpopulation et il y a une politique assez drastique à l'effet de vouloir chasser de la réserve les Blancs, même qui sont dans les mariages mixtes et tout, et ça pose toutes sortes de questions très, très litigieuses. Fait que c'est complexe, les relations sont difficiles, mais il n'y a rien qui dit que si vous débarquez avec votre projet et que vous voulez en parler, il n'y a rien qui dit que vous ne pourriez pas en parler, et que ces gens-là ne seraient pas intéressés à en parler. Donc, je pense que pour eux, oui, il y a ce sentiment de désappropriation, mais alors là, totale, qui vient de la manière dont on n'a pas reconnu leur droit au sol au moment où on a implanté les réserves au 19e siècle. Puis ensuite, rebelote, si on veut, avec la voie maritime, ça a été comme une sorte de recolonisation ou de redomination, parce que on les consulte pas, puis il faut voir les photos, regardez les photos aériennes de la voie maritime Kanawake, vous tapez ça sur Google, puis vous allez très bien comprendre comment ça coupe leur accès au fleuve. Fait qu'il y a eu ce petit film qui a été mis en ligne et qui l'est peut-être encore, il faudrait juste voir. Je ne l'ai pas, c'est ça, il est peut-être dans ma bibliographie en français, mais et qui montre justement toutes ces rancœurs et ces blessures, dans le fond. Mais c'est ça, c'est pas une question à laquelle on peut répondre juste en deux minutes. Et du coup, pour revenir sur réhabiliter le fleuve, ouais. Je pense que la question, elle est en recherche, selon la phase de recherche, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce qu'on va avec ouais. ce terme-là ouais. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on a aussi impulsé au travers de cette présidence la question du bien commun, qui c'est le filtre par lequel on entre dans cette présidence. Et justement, là, ça pose quand même une question qui évoquait les phénomènes d'appropriation, de réappropriation, peut-être qu'ils sont mentionnés. Et donc, la question de propriété, la question de bien. Et à quel moment, en gros, en fait, l'eau qui est perçue globalement comme un bien commun parce que c'est l'eau vive dont on sert et que, après, avec les phénomènes d'urbanisation et de gestion de la ville, de gestion des eaux, de canalisation, ça devient du coup un bien public d'abord, en même temps qu'un bien privé. C'est-à-dire qu'il y a des industriels qui s'en saisissent et il y a aussi la ville qui essaie de développer une politique urbaine à la fois d'abord d'eau courante et puis ensuite d'assainissement d'eau. Quelle est la place encore de l'eau comme bien commun aujourd'hui? Est-ce que... Belle question. Mais parce que c'est bien comment vous présentez les choses, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est comme on a toujours comme une sorte de vision du temps 1, tu sais, un temps 0 ou un temps 1 où il n'y a pas de réglementation, l'accès à l'eau. Mais tu sais, l'eau, c'est compliqué à Montréal, il y a plein de courants, et les fronts sont pas nécessairement très, très abordables, tu sais, parce que c'est pas un front de sable, etc. T'sais, donc, tu sais, c'est toujours revenir un peu à aux circonstances, aux caractéristiques géographiques, mais tu sais, c'est ça, on a comme toujours cette impression que, bon, avant, tout était accessible, mais en même temps, quels moyens avait-on pour vraiment tirer parti, tu sais, de l'eau? Bon, oui, on pouvait lancer sa ligne à pêche dans l'eau, etc., mais je pense que la question, c'est peut-être de la poser en termes de rapports sociaux, justement. Tu sais, comment certaines installations vont engendrer certains rapports sociaux. Mais ce qui est clair, et ça, vous avez raison, plus on aménage, plus il y a de réglementations et plus il y a d'acteurs aussi qui sont en relation avec cette eau-là et vont limiter l'accès à l'eau. Et donc, les pouvoirs économiques, par exemple, sont là très importants, ou les pouvoirs semi-publics comme la société. Le port de Montréal, c'est un pouvoir économique, mais c'est une société plus ou moins privée-publique. Mais je réponds, je sais que je ne réponds pas à ce que vous voulez. Je le sais, je me suis un petit peu égarée, mais c'est parce que c'est comment. Parce que aussi, je pense que le bien commun, c'est une notion assez floue. Ouais. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est savoir qu'est-ce qu'on entend par bien commun. Ah Ah, oui. Alors que le bien public et le bien privé, ouais. C'est vite d'accord. Ouais. Justement, parce qu'il y a cette question de propriété dans le bien privé, en ce cas, alors que dans le bien public, il y a cette question de gestion de la ressource au profit d'une société en entier. Ouais. Et ça fait penser aussi à des. Public, justement, qu'est-ce qui est comme bien public? C'est pas un donné, c'est pas un en soi. Qu'est-ce qui définit le bien public? C'est des rapports de force, c'est des rapports sociaux, des rapports de pouvoir. Voilà. Tu sais, il y a une notion de bien public qui est comme un peu, c'est une notion théorique, quoi. C'est un bien public, l'eau appartient à tous et tout. Mais en même temps, la définition de l'accès, des usages et tout, c'est toujours un processus de négociation, même quand on est dans le registre du bien public. Non? Bon, ok, puis je vous ai coupé, mais je voulais. Le bien public, elle n'est pas du tout. C'est différent. On peut le voir à dire, en fait, des gens, des groupes sociaux pourraient militer pour certaines appropriations, on leur dire, bah non, ça doit rester public, donc vous ne pouvez pas vous l'approprier, donc en fait, personne ne se l'approprie. Et en fait, la décision, elle n'est pas locale, elle est là-haut. Et donc, et donc en fait, voilà, mais ça reste public. Enfin, ou sur des. Alors après, ça ferait référence, en tout cas, sur l'utilité publique, c'est aussi un mot qui a été utilisé sur le projet d'aménagement en France. Qu'est-ce qui est décidé de bien, c'est quoi, pourquoi l'État va décider que ça c'est un bien d'utilité publique? On pourrait considérer dire bah, le développement du port de Montréal c'est un bien d'utilité publique. Ouais. Et les gens disent bah oui mais comment ça, parce qu'en fait si on déconstruit les bénéfices ils vont à qui et pourquoi, enfin, c'est... Et c'est ça qui est intéressant avec le comment aussi, c'est d'aller creuser et de finalement la dichotomie publique-privé elle est peut-être pas si intéressante que ça en fait. Et ne... Voilà, c'est pas aussi simple en tout cas. Ouais, non, mais tout à fait d'accord. Présenté sous cet angle-là, c'est vrai que c'est pas une question de si c'est des entreprises privées ou publiques, parce que de toute façon, comme vous dites vous-même, après il y a des pouvoirs qui définissent les choses et bien commun. Oui, mais encore, j'aurais tendance à dire ben. J'ai une affirmation, une question, mais c'est pour ça que dans la version anglaise, je me suis dit, le fleuve, c'était un instrument économique. Et c'était vécu comme ça, c'est un instrument économique pour les entreprises, pour ceux qui travaillent, même pour les travailleurs, pour les entreprises, c'est un instrument économique, de prospérité économique. Et on peut dire que c'est un instrument économique parce que même quand on va pêcher, ça nous procure de la nourriture, quoi. Donc, mais il y a cette représentation, mais comme je vous dis, à partir du moment où Montréal se désindustrialise et tout, l'instrument économique ne rend plus autant son rôle et l'articulation du fleuve et de la ville se transforme, c'est là qu'on vient, il me semble, réclamer le fleuve comme un bien public ou un moi je dis espace public, mais peut-être j'aurais dû dire espace commun, c'est encore mieux. Est-ce que c'est intéressant? C'est bon, mais ce que vous voulez dire par commun, alors, à ce moment-là? Non, mais c'est ça, à quel moment on s'approprie ces espaces-là en tant que société, mais on se met autour de la table. C'est-à-dire que si c'est aussi une question économique, que ceux qui sont des acteurs économiques puissent discuter avec ceux qui ont un rapport à l'hygiène, en disant on a envie de se baigner, on ne peut pas se baigner dans une eau sale. C'est très bien que vous faites de l'emploi, mais là, il y a des enfants qui meurent de pollution au cyanure. Il y a eu des choses comme ça. Il y en a encore aujourd'hui dans certains pays où les droits des populations sont de la faute. Mais c'est comment on en arrive à avoir une discussion ensemble, en tant que société. Mais bon, là, je pars un peu loin. Mais pour reconnecter, je... Et on a eu une discussion intéressante sur les comment, en fait, on a invité Yves Otis. Qui fait partie de Percolab et de qui nous a beaucoup parlé justement des communs, pas forcément du bien commun, mais des communs. Et un peu ce qui ressortait, c'était que pour lui, les communs, c'était un groupe qui faisait attention à quelque chose, c'était prendre soin de quelque chose, c'était pas forcément, du coup, ça sortait de public-privé, mais c'était, il y avait la question de prendre soin, de faire attention à, là en l'occurrence, l'eau par exemple. Du coup, je pense que nous, c'est ça. Que ce soit les gens de ce milieu-là, ensemble. Des gens concernés, qui s'habitent ou pas, mais en tout cas qui se sentent concernés par quelque chose et qui souhaitent prendre soin. Et fait que nous, ça nous a fait un peu évoluer, je pense. Une lutte aussi. Souvent, c'était pas. Enfin, c'est rarement un acquis, ça passe par. une défense en fait. Ouais. Et ça fait un écho aussi au moment que tu as mis comme des moments charnières là, notamment les crises que tu mentionnes, ou tout, mais les différentes crises où en fait on arrive à une certaine limite, genre l'eau, il n'y a plus assez d'eau propre, d'eau courante qui est distribuée, ou l'eau est trop polluée, ou là ça peut être aussi où on voit aujourd'hui l'accessibilité au fleuve est exclusive pour le commerce international, par exemple, des choses comme ça. Et en fait, ces moments de crise, lui parlait justement de la vision de parler de l'eau comme une rareté, comme quelque chose de rare. Et le fait de la définir comme quelque chose de rare faisait qu'en fait, on lui donnait une valeur qui est du coup une valeur économique et qu'on l'instrumentalise comme un outil capitalistique. Ouais. Et que justement la tendance, je crois, qu'on essaye de faire, c'est justement de pas, et que lui, il était vraiment du coup dans le sens inverse, en disant que non, on n'est pas dans un système de rareté, l'eau n'est pas rare, au contraire, elle est abondante. Et c'est qu'à partir du moment où on la considère comme rare, qu'elle devient un produit économique. Et que du coup, remettre au centre le fait qu'il y a de l'eau, l'eau est là en abondance, mais qu'en fait il faut faire attention à la manière dont on la manipule, dont on l'utilise, dont on la rejette, pour pouvoir créer ce commun, cette mise en commun. Mm-hmm. Il parlait aussi beaucoup plus de mise en commun que de bien commun, par exemple, qui est une chose, ouais, mais plutôt de la démarche de mettre en commun. Mm-hmm. Donc ça, c'était, ça fait pas mal écho au moment que tu analyses comme des moments de crise, ouais, où en fait la société se rend compte en fait de certaines limites, qu'on arrive à certaines limites, et qu'elle réclame en fait une réévaluation du rapport à l'autre. Ouais. Oui. Oui, d'une certaine façon. Oui, on pourrait dire ça, mais on pourrait aussi se dire que. Ben, c'est ça. Ben, en fond, bien mise en commun, bien commun, mais c'est ça, c'est des arbitrages. En fait, c'est tout le temps, tu sais, c'est toujours une question de rapport de force ou de lutte ou de. Mais en même temps, on dit ça, puis ça dépend d'où on parle. Tu sais, ça dépend d'où on parle. Tu sais, la plage de l'Est, je sais pas où est rendue la plage de l'Est. Il n'y a pas grand-chose, je pense. Non, parce qu'il y avait eu un concours, il y a des firmes qui. Ouais. Sur la pointe-pointe à l'Est. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a eu justement un concours, ouais, une jeune firme d'architecte qui a remporté le concours et qui a conçu une plage écologique, tu sais. Mais c'est comme tellement futuriste en même temps, tu sais, c'est comme la reconnexion avec l'eau, donc tu sais, c'est cette question un peu organique, quoi, mais avec des aménagements extrêmement léchés et puis écologiques dans le sens où, tu sais, il y a des moyens de faire en sorte de ne pas polluer l'eau ou de filtrer l'eau qui est polluée et tout ça. Et c'était vraiment intéressant ce que la mairesse disait, parce qu'elle disait, tu sais, l'Est, et elle disait encore quand elle a gagné son siège de députée, la mairesse Rouleau, tu sais, l'Est a toujours été vu comme l'Est, ça pue, c'est sale, c'est pollué, parce que, tu sais, les vents dominants soufflent d'ouest en est, et l'eau coule, bon, et voilà. Et donc, tu sais, c'est pas un hasard que les classes populaires sont plutôt à l'Est qu'à l'Ouest. C'est pas strictement ça. Mais tu sais, tout ce discours un peu de réhabilitation, de revanche, tu sais, par rapport à l'histoire, puis dire, ben, vous allez voir que dans l'Est, l'eau est belle, puis elle est bonne, puis on va avoir une belle plage, puis elle va être vraiment bien aménagée. J'en parle un peu dans la version anglaise, mais très rapidement. Mais donc, c'est pour revenir à cette idée, c'est de mise en commun, mais à chaque fois qu'on parle comme ça, j'ai l'impression qu'on parle d'une manière un peu globale et désincarnée, et que c'est. Je sais pas si j'ai raison ou pas, mais il me semble qu'il faut y aller par lieu, par site, par et là on voit des réalisations où justement ce processus de mise en commun peut réussir, et la mairesse Rouleau, en tout cas, je pense qu'une photo là, mais tu sais, elle a montré, ou en fait il y a des documents qui ont montré comment il y a eu vraiment une consultation avec la population locale, il y a eu des discussions, bon, après qui a gagné exactement, mais il reste qu'il y a quand même une tentative de redéfinir cet endroit avec une démarche plutôt démocratique, de consultation, de débat, et un type d'aménagement qui est quand même intéressant, même pour les populations locales. Donc, cette mise en commun, elle semble avoir réussi, mais là, on me dit que le projet... Non, il est inauguré, mais sans bégane. L'appareillage de l'Est est inauguré, mais sans la baignade. Et c'est quelle date, ça? Ça a l'air récent parce que c'est 5 juillet 2018. Ah, ça serait intéressant de savoir pourquoi il n'y a pas eu de baignade. Pourtant, le temps. S'il y a des poches de contamination. Alors là, qu'est-ce qu'on. Quand on. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mmh. Merci. Parce que tu sais, on m'a. Ok, mise en commun, on était dans les beaux sentiments ici. Et tout à coup, floup, le projet crash momentanément parce qu'il y a de la pollution. Mmh. Tu sais, c'est intéressant, c'est super. Ça explique bien toute la complexité de la chose et comment l'eau est un objet hybride dans le fond. Hein. C'est. Et c'est ça. C'est comme moi je dirais qu'il y a comme toute une couche de représentation, tu sais, d'aspiration sociale et culturelle, voilà, liée à l'eau, en même temps que il faut, me semble, être très dans le concret. Ben, vous êtes des architectes, tu sais, littérateurs. Ouais. Mais tu sais, vous êtes des architectes, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de visée haute, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est situé. Tu sais, c'est un questionnement qui, me semble, doit être situé, lié à certains projets particuliers, spécifiques. Bruxelles, la ville sans eau, et pourtant, avec des problèmes de ruissellement monstrueux, parce que c'est tellement minéralisé, a toutes sortes d'initiatives citoyennes ultra intéressantes avec l'eau, les rivières urbaines, toutes sortes de façons de capter l'eau pour empêcher que ça ruisselle, mais qu'en même temps, ça soit réutilisé. Mmh. Donc, il s'agit d'eau, là aussi. Et la question des bassins solidaires. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc c'est plus les limites administratives dont on hérite culturellement, etc., mais qu'il y a une solidarité qui est en dehors de la carte administrative et qui est celle de l'écoulement naturel des eaux. Oui, voilà. Voilà, exactement. Et pourtant, là, on est dans un milieu où il n'y en a pas d'eau. Par rapport à Montréal, où l'eau est omniprésente, si on veut, l'eau vive. Et pourtant, il y a des projets qui se constituent autour de. Mais c'est l'eau qui est peut-être l'élément effectivement fédérateur dans ce cas-là. Mais pourquoi ça devient un élément fédérateur? T'sais? Pourquoi? Ben parce qu'on projette des aspirations sociales culturelles, oui, mais là, dans le cas de Bruxelles, c'est parce qu'il y a un élément de survie, quoi. Ben, de survie quand même, ou en tout cas de qualité de vie est assez fondamentale. Mais comme le souligne Andréa, ça parle aussi notamment de lutte. Enfin, je sais que le réseau eau générale, les eaux générales de Bruxelles, c'est la Pêche-Gève, c'est fondé sur la base d'une lutte contre la construction d'un énorme réservoir d'orage. Justement, ce ruissellement, ouais, par l'administratif, etc., fait qu'en fait, l'eau ruisselle et qu'il faut la récupérer à un endroit. Et que ça concerne. Du coup, il y avait besoin techniquement de faire des réservoirs d'orage et qu'ils en ont profité pour faire une expropriation de toute une zone de la ville, une zone populaire, et pour faire un bassin versant en sous-sol et reconstruire tout le sol. Et que cette lutte-là a emmené justement à une réflexion plus globale en disant non, ça ne concerne pas non seulement dans ce petit quartier qui va être exproprié, mais tout Bruxelles. Mm-hmm. Et de cette base-là, de cette lutte-là sociale, s'est développée la question, justement, la réflexion sur les bassins versants en disant voilà, on a besoin d'être solidaire avec vous, même si vous n'êtes pas exproprié, et ça peut emmener des politiques de gestion de l'eau très différentes. Et qu'il faut en plus se réapproprier depuis le concret. Oui. Ben, c'est ça, là, on a comme toute une dimension sociale, en fait, hein, qui se juxtapose à une dimension plus écologique, mettons, tu sais. De toute façon, les deux sont toujours liés, mais tu sais, comme on peut parler, dans les discours sur l'eau à Montréal, on peut penser aussi au conseil régional, c'est le conseil régional de l'environnement, le CRE, tu sais, dans l'Est, il me semble, ouais, ça. Tu sais, puis qui a aussi tout un discours sur l'eau, mais en lien justement avec les classes populaires, avec l'idée que. ben, c'est ça. C'est, en fait, il faudrait aller revoir leur documentation un petit peu, mais. Donc, tu sais, c'est ça. C'est, je pense que quand on prend l'eau de haut. Ça nous échappe tout ça. Et on reste peut-être dans une vision un peu enchantée, un peu désincarnée, Et c'est ça, il faut retourner sur des expériences et puis peut-être de voir comment se cristallisent ces notions de bien commun. Mais au lieu de partir de bien commun, c'est de partir, qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce que les gens disent? Quel genre de discours ils articulent? Quelle valeur ils dégagent des projets comme celui que tu viens de présenter pour Bruxelles? Je trouve ça intéressant. Il y a une dimension complètement technique, d'une certaine manière, mais qui a été pensée en lien avec ces incidents sur le plan social. Les deux sont imbriqués l'une dans l'autre, ces deux dimensions-là. Mais cette notion de bien commun, finalement, elle finit par émerger. En aval plutôt, peut-être qu'il y a une recherche du bien commun en amont, mais elle s'incarne par la réalisation d'un projet, tu sais, plus que juste... Ça résume assez bien la bonne idée. Bon, ben ça servait à rien alors. Non, ça me trouve juste arriver au point de dire, hey, mais ça nous échappe, c'est idéalisé tout ça, et du coup, vraiment, on peut en repasser. Ben, je vois ça dans vos thématiques. Ben, quand on regarde vos thématiques, utopie concrète, vous l'avez déjà là. À chaque fois, machine vivante, il y a juste trace qui comment, pas qualifiée, mais vous avez ces idées de. Ces idées comme plus globales, l'utopie, le vivant, c'est quelque chose d'un peu. Sans limite, sans frontières et tout, mais vous le fixez avec, ou en tout cas vous cherchez à le circonscrire du moins, avec des termes qui sont quand même parlants, le concret, la machine. Juste un tout petit point d'écho, on a oublié de le mentionner. Justement, on est parti un peu de l'analyse globale, oui. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est enregistré, on a fait ce qu'on appelle les capsules sonores sur trois mots ou expressions, sur l'eau, le fleuve. Le bien commun est invité. Donc on s'est tous enregistrés. C'est quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes pour ceux qui veulent, peu importe. Et on s'est tous enregistrés en disant qu'on enregistrait ça, on mettait dans une boîte noire. Et comme ça on passe un peu plus, on avance dans le sujet, et on va essayer d'aller plus dans le concret, et on va essayer de réutiliser cette matière à toute fin, on va réutiliser ça à toute fin. Et donc on invite aussi tous les gens qu'on rencontre à faire éventuellement, s'ils le souhaitent, le même exercice aussi. Tu veux t'enregistrer, genre prendre ces trois termes, enregistrer avec un téléphone, n'importe quoi, dire ce que ça t'évoque. Ça peut être très sensible, très personnel, ou au contraire sur une analyse, tu vas voir. Mais du coup, si ça te branche, on essaye de collecter un peu ce que tu as sur le sonore, sur ces trois. Ouais, au fleuve. L'eau, le fleuve. L'eau et le fleuve, c'est un seul. L'eau en général, l'eau, mais ça peut être le fleuve en particulier, par rapport au Saint-Laurent, par exemple. Ok. Habiter, la deuxième thématique, et le bien commun. Ah oui. Oui. Mais là, je viens de dire tout ce que je pensais. Non, mais. Je pense que ça pourrait être intéressant dans le cadre d'une restitution, d'avoir peut-être challenger un petit peu ces. Oui, je comprends. Je pense que l'idée, c'est qu'on va faire une publication, une expo. On va essayer de chercher un peu de matière. C'est intéressant de voir comment que. Comment les définitions peuvent être multiples aussi. Ouais. C'est ça, en fait. C'est de montrer aussi cette diversité des eaux. Ensuite, on va parler. Des habiter. Ouais. Dès que là où notre commande nous dit réhabiter le fleuve, il y a des objets de bassin, vous allez construire des immeubles sur l'eau. On dit, peut-être pas, c'est peut-être pas ça le sujet. Mais c'est une vision, c'est quelque chose. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne vision, hein, d'autres mots. C'est ça. Ouais. Ça peut être attaché aussi à votre vision personnelle, parce qu'on parlait de comment le rapport à l'eau transforme les rapports sociaux. Comment pour vous, par exemple, ça a transformé. Bonne piste. Oui. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé les eaux. Le réhabiter nostalgique, je vais y penser. Okay. C'est vrai qu'on vit dans la nostalgie. On sait vraiment pourquoi. On le sait pourquoi. Maintenant, on le sait. Parce que le futur est tellement. Non. Ça peut pas passer dans un enregistrement. Oh, c'est ça. Non, mais le futur est tellement comme. Et du coup, on disait bloqué. Le travail aussi. Oui. Une autre question, on peut commencer par ça. Après, moi, j'aimerais bien quand même vous entendre sur, par rapport à ça, et prendre du recul par rapport à votre étude. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, pour Montréal aussi, un petit peu, enfin, par rapport à votre travail, de dire, bah, moi, c'est une maison qui est très personnelle, mais de dire, qu'est-ce qui, pour vous, ne va pas, au-delà d'une analyse très, justement, universitaire, mais savoir ce que vous aussi. Mmh. Ouais, comme vous, personnellement. Nous, en tant qu'architectes, on est souvent amené à dire, ok, on veut ça, on pense que c'est ça qui est bien, et puis on le défend. Mmh. Tout le monde a un avis aussi là-dessus, mmh. Et a des visions, et a des. Du coup, peut-être on parle de notre travail qui s'est décomposé. Non, mais il n'y avait pas une question. Si, une question. Ah, c'était celle-là que je vais faire d'abord. Ouais. Voulez-vous la faire tout de suite? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que l'objectif, t'sais, comme scientifique, puis l'objectif personnel sont comme très intimement liés, t'sais. Parce que je pense que ce que je veux, ce que je voulais faire et ce que je souhaite encore faire d'une certaine manière, c'est de concevoir l'eau dans toute sa diversité et dans tous ses usages, quoi, et de toujours, t'sais, de pas avoir cette vision de l'eau sans considérer la manière dont on en fait usage. En d'autres mots, tous les usages de l'eau se rencontrent. Et de penser que les aménagements qu'on a sont liés à des décisions qui ont été prises à des moments donnés, et de toujours revenir à ce processus de décision pour comprendre pourquoi les aménagements qu'on a sont tels qu'ils sont. Fait que si on procède ainsi, ben nécessairement, il me semble que on sort de cette vision désenchantée ou désincarnée d'une part, mais d'autre part aussi on fait émerger les rapports de pouvoir, et que si on pose la question de l'eau aussi en termes de rapports sociaux, ben il me semble que là ça permet de poser des vraies questions d'une certaine façon, la question de l'équité, la question de qui a accès à l'eau, de quelle manière, etc., etc. Parce que souvent, les projets, finalement, finissent par prendre une tournure un peu glamour ou commerciale, et donc sont à l'avantage de. Ou bien, sinon, même comme on disait tantôt sur la question publique, tu sais, ben il y a tellement de restrictions par rapport à l'usage que ben, finalement, ça devient des endroits très réglementés et etc. Donc, je pense que, peut-être que c'est sûr que le rêve, ce serait de, tu sais, d'élargir probablement les accès à l'eau, mais tout en considérant les contraintes aussi. Puis, des fois, quand je dis ça, en considérant les contraintes, c'est comme si j'étais rabat-joie. Je suis un peu dans la version française. J'étais vraiment beaucoup plus cynique, je pense, par rapport à ce discours environnementaliste où, tu sais, bon, ben, on va prendre nos pelles et puis nos seaux, puis on va aller ramasser les cochonneries sur le bord de l'eau. Ben, oui, c'est bien. Là, vous m'avez démarré. Non, mais ça, c'est bien, tu sais, c'est chouette. Mais en même temps, c'est une vision un peu petite bourgeoise, tu sais, dans le sens où, ben oui, on fait son petit geste, on donne bonne conscience. Et puis dans la douche. Ben voilà, tu sais. Mais tu sais, il faut revenir à la question. En fait, la question environnementale est d'abord sociale. Donc la question de l'eau est d'abord sociale. Je pense que c'est ça ma position. Et puis c'est pour ça que je pense que sur un plan personnel et intellectuel, j'ai fait ce livre-là. Pour montrer justement les agencements, les arrangements ou les rapports sociaux derrière les agencements ou les arrangements qui sont les nôtres, et toujours de garder ça en tête, quoi. Je pense que c'est ça, oui, vraiment, sur un plan personnel aussi. Tout à fait. C'est comme, si on extrapole juste pour faire image très rapidement, mais si on extrapole aujourd'hui, justement, nos petites chasses d'eau, nos voitures électriques, mais est-ce qu'on transforme vraiment les rapports sociaux? On se donne, et on reste quand même dans la société d'abondance avec nos vêtements fabriqués en Chine, avec, c'est une révolution que ça prend globale, mais on est sur l'eau ici, hein, puis c'est un projet d'expo, mais c'est simplement pour dire, je pense que c'est ça mon moteur, finalement. Voilà. Peut-être ce que je pourrais proposer dans le cadre de la chance qu'on a aujourd'hui. Nous, on a une réflexion qui est toute fraîche, en fait. Puis, j'aimerais me permettre, ça serait de un peu exposer nos premiers balbutiements comme Parce que nous, on a travaillé par thème. Hein. J'ai nommé trois thèmes, on a décidé de séparer, mais après, il va y avoir des. On va remixer le tout, puis on va se. Ouais, j'imagine. Des lieux d'échange. Mais j'avais comme le goût de vous présenter ce qu'on a réfléchi. Ça fait pas super longtemps parce qu'on était encore dans un mode très très. De recherche, puis aussi de voir les pistes communes et les plateformes. Fait que je me proposerais d'expliquer un petit peu ce qu'on a réfléchi ce midi, en mettant pas mal beaucoup de jeux, un peu de nous, dans la mesure où, on n'a pas un contrat, c'est comme dire, on est 100% d'accord, mais ouais. En tout cas, l'équipe Utopie Écotombe, on a basé un peu la réflexion, puis ça c'est une recherche qu'on avait faite un petit peu avant qui arrive sur justement notre rapport avec l'eau, c'est-à-dire qu'à Montréal, les grandes portions de territoire qui ont été qui nous sont accessibles proviennent de ce grand projet qui est l'expo, la construction du métro, la question de Ramblais, des blés, les îles Sainte-Hélène, Notre-Dame, les berges de Verdun en fait. Notamment, pour nommer l'île des Sœurs aussi, qui est quand même publique tout le long de l'île, à part une exception près. Donc, on essaie de voir un peu comment s'approprier l'actualité dans la mesure où on est en train de voir construire le RM. Il y a la ligne bleue qui est annoncée, deux projets qui sont, semblerait-il, cannés, là, sont signés. De se dire, peut-être, on voyait là peut-être l'occasion de recréer un nouveau territoire, recréer une nouvelle zone. Où on aimerait développer une nouvelle utopie concrète basée sur les communs, sur un territoire qui n'existe pas, en fait, qui n'appartiendrait vraiment à personne, ni public, ni privé, peut-être au commun. Et on avait réfléchi aussi à une problématique qui était comme la définition des communs à Montréal, tu sais, le bâtiment 7, la remise, tout ça, une de leurs premières problématiques à le grand déploiement, beaucoup plus généralisé, tout ça, c'est la notion de territoire. Ils ont besoin de terrain gratuit pratiquement, puis les organisateurs qui ont réussi, comme le bâtiment 7, c'est un terrain qui a été donné. on y en a quand même beaucoup comme ça, le village au pied du courant, c'est un terrain aussi qui est prêté. Puis il y a cette notion-là, puis on se dit, si on peut utiliser cette opportunité dans le temps qu'il y a eu dans les années 70, lors de la confession du métro, tout ça, pour dire, on crée un nouveau territoire, puis comment on l'organise, c'est ça un peu notre utopie concrète. Donc, en fait, de dire comment elle peut appartenir à tout, quel usage qu'on y mettrait, là, on n'est même pas rendu. Ça, c'est comme la première pièce. Et si il y aurait usage où. Donc, on est un petit peu là, dans le fond, puis on trouvait ça assez intéressant que. Tout ce qui était fait avec ce remblai-là correspond aussi, une grosse partie correspond aussi avec l'Expo 76. C'est ça, 67? Je fais de la dyslexie, j'aime ça. Ça va. Et puis, je pense que je voulais toujours dire 76. Hein, 67. Et il y avait comme cette idée-là quand même, c'était un peu magnifié cette époque-là. Il y avait quelque chose qu'on voulait créer, quelque chose d'immensement plus grand que l'homme, puis tout ça. Puis on essaie d'un peu de contextualiser ça à Montréal à travers cette notion de Ramblais, Desblais et cette question de grande utopie qu'on avait rêvé dans les années 67 et 70. Donc on est un petit peu là, avez-vous peut-être des choses? Ah, puis la notion des cotons aussi, parce que pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'eau, il y a la terre, puis les cotons qui est le milieu entre les deux, hein, qui a un petit peu d'eau, un petit peu de. On se dit, c'est un milieu qui est foisonnant, tant pour la rencontre entre animal, terrestre. Aquatique, espèces aquatiques terrestres, et aussi quand tu regardes de façon plus sociale, des lieux de rencontre en fait. On se dit, comment on peut travailler cette zone-là finalement pour, si on la considère foisonnante, ouais. Comment on peut la démultiplier, puis créer quelque chose de plus grand. Ça montre quelque chose dans ça, tu vois, ça rejoint typiquement vraiment quelque chose qui est depuis le début, en tout cas sur la réflexion du côté mythe, où on a vraiment, où quand on pose la question d'habiter le fleuve, nous, on a tout de suite aussi réfléchi comme s'il y avait le fleuve et le reste. C'est beaucoup plus compliqué, il y a une rive, cette rive, elle fait quelle épaisseur? Parce que nous, en plus, à Nantes, il y a du marnage. Donc le fleuve n'a pas de limite fixe. Donc déjà, on était là-dedans. Et c'est vrai que ça nous plaît bien de pousser ça avec la notion d'écotone, qui est le mot, l'accentuer, et puis de réfléchir sur prendre le parti de l'utopie concrète, mais aussi de se donner le droit de rêver, de sortir de. C'est bien, tu as quand même mis le doigt sur le côté cynisme. Ouais. Hein, ouais. Aujourd'hui, c'est pas facile. On peut parler. Conscience de ça aussi, de quelle manière on se projette dans l'avenir, de quelle manière on y met du désirable. Quand des fois on a l'impression que tout ce qu'on a fait dans la civilisation depuis des dizaines d'années n'a conduit qu'à ça et que donc peut-être qu'on aurait juste envie de rien faire mais que c'est pas possible. Donc, ok, comment on fait qu'on veut faire du désirable donc voilà, pour se permettre de rêver un peu, et mais avec ces problématiques-là, donc des projets qui se veulent notamment, dans le cas de l'écotone, de réfléchir à comment ça est approprié. C'est pour tout le monde, pour tous, mais pour aussi les êtres vivants en général. C'est-à-dire pas juste les rapports sociaux humains, mais aussi comment on travaille à notre rapport en fait au monde, tout simplement à travers ça aussi, quotidiennement. Donc les animaux, donc les plantes, donc tout ça. Donc voilà, on commence à gratter cette surface-là sur la question de l'écotone. Ah, super. Oui, super. En fait, c'est super, c'est vraiment super parce que, en fait, on voit bien, c'est peut-être un trait de personnalité aussi ou formation. Tu sais, moi, je travaille avec l'existant. Depuis tantôt, je vous parle de l'existant et j'ai jamais aussi, je projette quelque chose de nouveau, c'est toujours par rapport au cadre existant, tu sais. Alors que vous projetez tout de suite, c'est super, c'est vraiment chouette, mais vous n'avez pas besoin d'être rassuré, vous êtes assez nombreux pour le faire entre vous, mais l'idée de créer un nouveau territoire, c'est vraiment génial. Ouais, mais c'est vraiment un exercice, c'est le fait de ce qui s'est passé à l'Expo 67, qu'on a découvert ici, pour nous en tant que Français, je ne sais pas si quelqu'un. C'est quand même assez violent pour vous de créer une île sur le fleuve. Ouais, après il y a eu des trucs comme ça aussi. Il y a eu des trucs, ouais, mais sur le coup, c'est quand même un truc que. Moi, je pourrais pas oser le proposer. Je me dis tout de suite, là, sur le début, je l'attends. Ouais, mais. C'est d'où l'intérêt de faire cette résidence 3 aussi. Ben, sauf que t'es l'utopie quand même de 67, tu sais, c'est qu'on était quand même encore dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses, tu sais, la période, tu sais, l'économie où il y avait de l'argent. Quoi qu'il y en a de l'argent, il y a autant d'argent, c'est juste qu'il n'est pas distribué de la même façon. Il n'y a plus d'argent, c'est un mythe, là, mais il y avait quand même, tu sais, je veux dire, c'est quand même un élan qui est assez, tu sais, c'est une période de prospérité beaucoup plus longue qu'on avait connue dans le temps, depuis le début de l'industrialisation, disons, tu sais, fait que. Mais ça n'empêche pas, tu sais, qu'il y a des réaménagements qui ouvrent des fenêtres possibles ou de possibles différents. Mais donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. L'écotone, à Toronto, il y a un livre sur le Toronto Waterfront. Il y a un article qui porte justement sur l'écotone comme une zone qui était une zone de filtration aussi par rapport à la pollution et tout ça, quoi. Et dans ce livre-là, il y a un article spécifiquement sur ce concept-là, mais aussi comment ils ont travaillé. Tu sais, un secteur, je pense que c'est l'embouchure de la rivière Don, D-O-N. Et ça, c'est dans mon livre aussi, le Toronto Waterfront. Tu sais, vous allez le voir. En fait, je pourrais vous envoyer le PDF, même, tu sais, peut-être de l'ouvrage en anglais au complet. Tu sais, les épreuves, comme ça, vous pouvez chercher dedans. Je peux faire ça, tu sais. Puis là, vous allez. C'est dans la bibliographie en français parce que c'est un livre qui date déjà, mais tu sais, parce qu'ils ont tout réaménagé une partie du waterfront, c'est les parasols roses. Et bon, alors donc, et c'est là. Ça, c'est un. Les parasols bleus. Bleu. Ouais, c'est le même. C'est le même acheté que. Oui, Cormier. Non, Cormier. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais. Murus, c'est à Toronto. Oui. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Ben oui, ben oui. Oui, oui. Ah, oui. Oui, c'est un peu étriqué. C'est étriqué. Mais tu sais, comme. Juste l'idée que les pouvoirs économiques s'emparent d'un projet. Toronto, c'est tellement. Le livre est autour d'une critique un peu de ça, mais aussi de tout ce que ça signifie. Mais cette notion, en tout cas, elle est utilisée. Puis je la trouve. C'est vrai qu'elle est porteuse. Et puis l'idée de travailler sur tout le vivant, de toutes les espèces et de tout le vivant, ça aussi, je pense que c'est. d'une certaine façon incontournable, mais en plus, ça rend, ou en tout cas, c'était pas du tout le genre de discours qu'on a pu avoir, et même dans certains des projets aujourd'hui, comment s'appelle le groupe des, les urbanistes là, qui ont fait à l'origine du pied du courant ce groupe-là. Oui. Je pense pas qu'ils ont cette vision-là, tu sais, de travailler avec tout le vivant, tu sais. Non, je les ai connus à la fondation. C'était vraiment de montrer aux gens des lieux qui avaient un potentiel latent, mais qui n'étaient pas, qu'on s'était pas approprié. Oui, c'est ça. Ils changeaient de lieu, mais ils ont fait face à différentes difficultés à trouver place à un lieu. Oui. Finalement, leur combat de l'année, au lieu de s'organiser ou créer, c'était de se trouver un lieu. Mm-hmm. À partir du moment qu'ils ont la deuxième année, qu'ils sont placés au pied du courant, puis ont pu avoir quelque chose d'un peu plus stable, là, se sont concentrés davantage à la programmation, à créer des liens sociaux avec les communautés, créer des événements, des choses comme ça. Mm-hmm. Idéalement, dans leur idée initiale, ça aurait été de se déplacer comme ça. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, de s'installer dans des lieux un peu emblématiques, puis les retravailler, les redéfinir, mais partant de l'existant, quoi. Tout à fait. Et alors donc, ces notions remblais, déblais aussi, c'est assez chouette, tu sais, comme cette terre qui est déplacée, tu sais. C'est vrai que l'île Notre-Dame, c'est l'île Notre-Dame, c'est laquelle qui est complètement créée? Notre-Dame. C'est Notre-Dame, parce que la ronde, elle existait déjà, puis l'île Saint-Denis. Bon, c'est ça, elle était agréable. C'est celle qui a été raccordée à la ronde, le deuxième. Oui, c'est ça. L'île ronde a disparu. Mais il y a Chloé qui est en train de repris l'ensemble des cartes de Montréal, qui est en train de dessiner tout ça en vecteur, puis on essaie de travailler pour voir comment que la vibration, en fait, de comment ça bouge à travers le temps. Avec des cartes historiques. Avez-vous beaucoup de cartes historiques? Oh, moi, je suis pas très bonne là-dedans, hélas. D'ailleurs, c'est une faiblesse du livre, parce que les cartes dans le livre sont nulles. T'sais. Dans la version anglaise, c'est un petit peu mieux, mais je suis vraiment pas. Non, c'est une faiblesse, en fait, de ma démarche, quoi. Mais bon, les fonds de cartes, vous savez où les trouver, ou les vieilles cartes, à la BNQ, puis à la ville de Montréal aussi, peut-être. Aux archives de la ville de Montréal. On en a beaucoup, mais juste un peu d'opportunité. Okay. Je veux dire, peut-être que. Ah, non, mais moi, j'en ai une à chaque année depuis. Ouais. Il y a un travail, je ne sais pas qui. Je dévie un petit peu de ce que tu viens de me présenter, mais il y a un travail aussi qui a été fait par une Belge, justement, mais qui est retournée, Valérie Mao, qui est une architecte ingénieure de formation. Oui. Ça dit quelque chose? Oui, tu es professeur à l'université. Oui, tu sais, puis elle a fait toute cette cartographie des cours d'eau anciens sur l'île de Montréal, puis elle a retracé les bassins versants des anciens cours d'eau. C'est parce que c'est la mention des cartes historiques. En fait, c'est à travers des cartes historiques qu'elle a superposées sur une carte de 2009, je crois. Puis en reconstituant aussi les courbes de niveau sur l'île. Et donc, tout son matériel est accessible à l'UDM Papyrus. Papyrus. Ouais, ouais. C'est un dépôt électronique de travaux. Elle est partie, elle a quitté le monde universitaire pour des nouvelles aventures. M-A-H-A-U-T. Papyrus, c'est moi rentrée à l'université quand je l'ai quitté. Ah oui? Ok, non, mais c'est que je pense que c'est une fille de terrain, puis la vie intellectuelle, c'est pas pour elle. Puis là, elle est partie, elle est retournée en Europe, mais avec des projets de faire de l'agriculture, permaculture. Puis peut-être qu'elle reviendra au milieu de pratique de l'architecture. Mais, ah ben oui, c'est dans le même domaine, c'est sûr. Mais alors donc, elle est, en fait, juste pour la petite anecdote, et c'est ça, elle était donc jeune prof, puis elle voulait donc reconstituer les ruisseaux, mais pas avec l'idée de faire que l'histoire du réseau hydrographique sur l'île de Montréal, mais bien avec l'idée de saisir justement les passages des anciens cours d'eau et tout, puis cette idée de la topographie aussi pour constituer ce qu'elle appelle justement des rivières urbaines, c'est-à-dire de se servir de tout ça pour faire des lieux de ralentissement de la circulation des eaux de pluie, par exemple, ou des lieux pour recueillir les eaux de pluie. Et elle vient de Bruxelles, donc elle a travaillé avec des gens que peut-être vous avez rencontrés à Bruxelles, mais tu sais, donc avec cette idée de partir de cette idée ancienne, mais de révéler, voilà, merci. et de l'utiliser pour quelque chose de nouveau, tu sais, finalement. Mais la portée sociale est peut-être moins importante chez Valérie que... Mais c'est vrai que la question... Puis là, toutes les cartes, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'elle a fait, quoi. Et sur papier, si on tape son nom, Ben c'est ça, si j'avais mon ordinateur, mais normalement, oui. Mais tu sais, s'il y a des choses que vous essayez auxquelles vous essayez d'accéder, puis ça ne fonctionne pas, envoyez-moi un courriel, puis ça ne sera pas long. Je vais vous donner l'adresse si jamais c'est compliqué. D'ailleurs, elle m'a envoyé un lien. Papyrus. Des anciens cours d'eau, lignes de creux et des bassins versants de l'île de Montréal. Ben voilà, vous l'avez. Par Valérie où? Mao. Elle est en France ou... Elle est retournée en Belgique, je pense. Elle est belge. Oui, c'est ça. Donc, ok, ben vous l'avez. Ça c'est parfait. Et donc, peut-être, je ne sais pas si vous voulez continuer à parler de votre projet. Moi, je... Les garçons vont vous parler. Ouais, je suis d'accord. On ne connaissait pas Richard Wade concernant l'approche du fleuve comme une machine organique. Ouais. Ça s'écrit bien Richard Wade, W-E-I-D. Non, White, pardon, ouais. W-H-I-T-E. Mais c'est dans ma bibliographie aussi, dans mon livre. Okay. Ben là, c'est facile parce que là, on est en ordre alphabétique. Vous devriez le trouver. Tiens, j'en profite pendant que mon ordinateur est déjà. Je peux toujours aller voir si je trouve la référence au petit film dont je vous ai parlé. Parce qu'on parle de comment révéler les choses. Ouais. De ce que j'ai fait ce matin. Ouais. Ouais. Parce que du coup, justement, on peut parler de. Comment c'était déjà Mao. Oui. Qui a fait une cartographie. Et donc, pareil, on a essayé, donc, comme le disait Jeff tout à l'heure, refaire les rives, comment elles ont évolué, etc. Et j'étais repartie de cette idée-là, donc de reprendre en fait ces petites rives et de les appliquer en fait sur l'espace et d'avoir justement révélé le territoire, ce qui existait, en fait de révéler les traces historiques et de faire émerger ces coups de l'histoire tout en remettant en fait au problème actuel avec du coup une solution qui était de filtration, de capter l'eau, de verser à certains endroits, de régler ces problèmes, etc. Et aussi on avait que ça pouvait être intéressant de voir ça en hiver, parce qu'ici à Montréal, du coup, ça gèle. Ouais. Et donc, le climat pourrait être super intéressant pour justement avoir la transparence des couches et la sculpture avec la glace bien sculptée, et révéler en fait aussi ce qu'il y a dessous, sous le fleuve, et donc venir faire émerger ce qu'il y a dans le fleuve et les organismes vivants et de les révéler à la surface du fleuve. C'est un peu l'idée d'avoir une machine vivante et d'avoir une transition entre aussi la notion d'écotone, avec justement entre les rives et les stratifications et l'eau et la régulation entre les deux. Ouais. Mais la notion de aussi tantôt quand on discutait, la notion de saison est super importante, tu sais. On l'a pas mentionné, mais depuis tantôt on parle de l'eau, mais on parle toujours de l'eau non gelée, quoi. Alors que cet aspect-là, de superposer ces aspects-là, je pense que ça c'est quelque chose qui nous est qu'on oublie, quoi, facilement. Ça fait référence aussi à ce que vous avez dit sur comment les milieux naturels transforment les milieux urbains. Ouais. Et comment ça peut avoir un impact un peu holistique sur une approche vraiment globale. Ouais. Et comment les milieux transformés aussi, tu sais, ont des effets, quoi, tu sais, parce que, ok, ouais, c'est ça. Et là, on le voit dans cette esquisse-là par rapport aux rives, tu sais, parce que ces rives sont pas constantes. Et, tu sais, Valérie, dans sa recherche tu sais, cartographique, je pense qu'elle a travaillé quand même aussi sur certaines rives. Puis je pense qu'il y a moyen, avec un jeu de superposition de cartes, de voir comment ça a pu se transformer, tu sais. Les rives ont été tellement redessinées, surtout du côté du fleuve, là. Ouais, tout à fait. Et globalement, aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est, avant ce petit groupe machine, c'est d'arriver à, plutôt à travers la manipulation aussi, ouais. D'arriver à un peu essayer de saisir et de ne pas opposer l'eau et la terre, même si, peut-être Anaïs qui va pouvoir en parler un peu plus, parce qu'elle fait aussi de la poterie. Et du coup, il y a aussi cette envie d'aller chercher de la céramique. Hein. C'est la même chose dans Casablanca. Mais si. Donc il y a aussi cette idée, mais c'est pas ça. Non, c'était comment renouer notre un lien et un rapport avec le fleuve, et qui dit fleuve dit aussi constitution de glaise, de terre. Et du coup, ce que j'avais trouvé, c'était d'un point de vue historique, ils avaient donc eu cette approche sous-marine d'exploration du Saint-Laurent. Ils avaient trouvé des céramiques, des récipients, 7 de mémoire, qui contenaient de la caféine. Donc ça révèle aussi les usages qu'il y a pu y avoir à un moment donné. Et donc on s'est dit comment peut-être extraire de la terre, de la glaise, du Saint-Laurent et également de la terre de la Loire. Pour en faire des céramiques. Moi, j'ai parlé de verre de l'amitié, comment on pouvait boire le fleuve. Et du coup, aussi, il y a cette notion de préserver l'eau, de sa qualité première. Et on a parlé également de matière, comment les matières peuvent se fusionner, comment on peut créer des sculptures à base de glace, comment, par exemple, travailler avec une sculptrice de glace. À Nantes, ah oui. Ramener de la terre de Montréal, comment fusionner ces deux matières. Voilà, on est installé dans le manière pour l'instant, donc c'est assez frais, mais on a parlé de tout ça. Et globalement, il y a un peu cette opposition naturelle qu'on crée entre la terre et l'eau, l'eau et mouvement, la terre, oui. C'est de la sédentarité, ouais. L'eau, on associe beaucoup aux nomadistes, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, et en fait, cette opposition, cette dualité, on est justement sur le chemin d'essayer de la déconstruire pour savoir s'il y a justement des champs entre les deux, en échange permanent. Ça rejoint aussi la question de Cotone, avec ouais. Voilà, cette rive qui est en fait épaisse, et elle est à la fois milieu aquatique, à la fois milieu terrestre. Et en fait, la question de s'intéresser à le côté de machine vient justement dans une espèce de montée de manipulation de ces choses-là. Et alors, ça part dans des choses peut-être plus artistique, évocatrice que proprement urbanistique, on va dire, à une échelle plus manipulable. Voilà, comment à la fois ces éléments glace, enfin, l'eau rendue solide, donc ça peut être aussi peut-être des choses aussi à l'échelle vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup ce schéma-là parce qu'il raconte aussi quelque chose d'assez éphémère. Ouais. Qui pourrait être une installation artistique pendant tout l'hiver, qu'on fasse venir des artistes qui viennent sculpter en fait les anciennes traces du lit du fleuve. Et du coup, ça évoque ça, mais sans que ça fige les choses dans un plan urbanistique qui va être figé. Et à l'inverse, ce travail-là est plus un travail paysager urbain, mais qui fige les choses, mais en laissant le mouvement de l'eau à travers, en laissant le mouvement du vivant à travers. Donc, en fait, on est un peu dans ces recherches-là. Ouais. Et à travers une manipulation de la matière, à essayer d'être au plus proche possible, donc travailler avec l'eau. Il y a Jean qui vient de partir là, mais qui était déjà sur l'idée d'essayer de construire des machines, enfin des petites machines à eau, où en fait l'idée c'est de faire passer du courant à l'intérieur et de voir comment se déposent les sédiments, etc. En fait, jouer avec cette matière en fait, avec laquelle en tant qu'architecte on est très habitué à travailler, parce que justement elle est impalpable, inaccaparable, et on ne peut pas lui donner une forme définie, mais de jouer avec ce mouvement-là, et à l'inverse, de modeler par la terre et de faire rencontrer ces deux-là. On est sur des formes très expérimentales. Ouais. Ouais, mais en fait, ouais, c'est de trouver peut-être. C'est parce que là, on est dans complètement deux univers, quoi. Mm. Et comment. Je sais pas, est-ce qu'il faut un fil conducteur? Ça, c'est moi qui. Mm. Ça, c'est ma manie à moi. Est-ce qu'on peut pas juste superposer des démarches? Donc, quelque part, c'est comme d'arriver à trouver les articulations. Chacun des projets est fondé sur des articulations, mais comment les projets s'articulent les uns avec les autres, tu sais. Et avec Nantes, la résidence. Ouais, et avec Nantes. Ouais, on n'a pas parlé, oui, mais on n'a pas parlé de Nantes, justement. De... Je dois quitter, là, je ne sais pas pourquoi l'interne, mais je vous remercie. Ben, ça m'a fait plaisir. Sérieusement, c'est un honneur de vous accueillir dans mon bureau. Ouais, mm-hmm. Ben, c'est le fun d'échanger avec des gens qui pensent, tu sais, ben, semblables, mais qui travaillent autrement. Complètement, complètement. Ah ouais, c'est amusant. Puis je sais pas, vous allez vous prêter à l'exercice des capsules. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Moi, j'allais noter, là. C'est là. Je vais mettre une petite étoile à côté. Ça marche. C'est quoi la date limite? Oh, mais c'est parce que nous, on l'a fait rapidement pour pas se laisser influencer, pour avoir un esprit assez, comme on va le refaire à la fin de notre résidence. Ouais. Mais je pense pas qu'on vous a influencé dans notre... Non, pas nécessairement, mais donc, je veux dire, ça remet à Fabien. Oui, à envoyer, ou à se revoir, éventuellement, en contact. Ouais, ou envoyer en C'est ça, par WeStrans. D'ici à la fin du mois, c'est pas pressé. Hein. Ouais, ok. C'est pas trop lourd par mail. Oui, tout à fait. Généralement, la prise de Nantes. Ouais, ok. Parce que nous, après, on est à Nantes du 5 au 25, du 4 au 24 novembre. Au revoir. Au revoir. Oui, d'accord. Ouais, ok. C'est pas pour demain. Ok. Ok, parfait. Okay. Et donc, là, j'ai entendu Epitrace, alors? Ben, c'est parce que là, puis en plus, je pense vers 3h30, mais je sais pas si c'est moi qui brusque la discussion, parce qu'il y avait comme trois thématiques. Et donc, Trace. La Trace, ceux qui sont de l'équipe Trace sont les membres de l'équipe qui sont déjà repartis en France. Mais quand on avait. En fait, on a créé un peu ces trois thématiques, on leur a donné des noms un peu ceux qu'on n'aurait pas dû, mais en tout cas, c'était plutôt issu de. Tous les sujets qu'on a mis sur des post-it, qu'on a mis au mur, on a essayé de regrouper les thématiques. Et ce qui tournait autour de Trace, c'était la question de la mémoire, des usages, des strates, du lexique aussi, de l'importance des mots qu'on utilise pour définir les choses. Il y avait carotte historique qui était écrit, cartographie critique et perception, topographie sensible. Il y avait se renseigner sur les cosmogonies natives. Du coup, je crois que c'était un peu trace, lieu, mémoire, le usage du fleuve aussi en rapport avec les natifs, enfin, les autochtones, comment peut-être ils avaient les usages du fleuve et des manières d'habiter près ou sur le fleuve. Et ouais, il y a un travail, alors c'est trace, mais pas forcément juste au sens de passé. Comme on disait, il y a aussi le côté vraiment la mémoire vivante, ce qui existe aussi aujourd'hui, la parole des habitants. On est pas mal allé faire des explorations, mais pas seulement, ça nous a donné aussi l'occasion de rencontrer les gens. Ah oui, oui. De leur poser des questions, enfin, d'avoir des discussions assez libres, mais de leur rapport à l'eau, etc. Et c'est un peu cette matière-là aussi qui rentre là-dedans, donc des rapports très actuels, et qui a à mettre en écho justement avec une histoire, avec tout ça. Et dans ce même registre, Alice l'a mentionné, la question du lexique, mais aussi de l'antilexique. Parce qu'en fait, en Europe, enfin en France, on a aussi, le collectif La Même Voix Limite, là, on a eu pas mal ces dernières années de projets qui viennent à la base de, justement d'initiatives citoyennes ou portées par des projets coopératifs, etc., et qui se font pas mal récupérer aussi par le discours un peu globalisant, qui récupère ces mots et qui en développe d'autres. Et du coup, cette question du lexique, des mots, à quelle fin ils sont utilisés, donc à quelle fin nous on veut utiliser les mots, et à quelle fin d'autres mots sont utilisés pour décrire des choses qui nous paraissent plutôt étrangères justement à cette question sociale. Et du coup, travailler à la fois sur les mots, à la fois sur le réel, enfin, aussi en dialogue. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu comme et Claire qui pour en parler de nous. Pour faire le lien avec Nantes, nous, on veut pas séparer les choses. Ouais. On est dans une continuité. Les réflexions qu'on porte ici nous permettent d'avoir un regard neuf, de nous mettre en situation d'étrangeté, de nous sortir de nos sites. Mais pour nous, c'est deux territoires qui sont abordés sur les mêmes thématiques, oui. Sur les mêmes choses en fait. Il n'y a pas de, ouais, c'est une super bonne idée. De Montréal d'un côté, ouais. Et de l'autre, ouais. En fait. C'est, on essaye d'avoir un travail continu. Continue, mais contextualisé quand même, parce que Nantes a ses particularités. Oui, c'est ça, mais... Et Nantes-Lézène, bah si, moi, je trouve que c'est vraiment important de... Enfin, non, mais c'est parce que c'est avec Chichi, je ne sais plus avec qui, quand on montait les escaliers, comme ça, c'était avec... Peut-être avec moi d'abord. Ouais, mais tu sais, quand on disait, ben, c'est sûr que les échelles sont incomparables, mais justement, de ne pas partir de ce lieu commun, tu sais, de dire, mettons, ben oui, le fleuve, puis l'autre, c'est un ruisseau à côté du fleuve, et tout. Désolée, là. non, mais c'est de papa. Mais en fait, c'est parce que tu sais, ça me fait penser à la réflexion sur la comparaison. En fait, tu sais, souvent, on va dire, ben, il faut comparer le comparable, mais on peut comparer aussi de l'incomparable. Et dans le fond, ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est des dynamiques ou des processus, tu sais, et qu'on va reporter sur des espaces à ce moment-là différents, et là, donc, faire effectivement voir comment ces processus-là s'incarnent différemment parce qu'il y a des caractéristiques propres, mais ça n'empêche pas de dire qu'il y a, tu sais, cette idée du rapport aux terres, il peut très bien se transposer sur un lieu et l'autre, comme, tu sais, bon, l'idée de la machine vivante, mais le cotourne aussi, il existe sur les bords de la Loire de toute façon, tu sais, donc, fait que c'est d'insister beaucoup plus sur. C'est ça, c'est dynamique ou c'est le processus que sur et de voir comment elle s'incarne dans des milieux différents. Puis là, c'est de faire jouer la différence, mais de manière constructive, ou en tout cas, tu sais, comme enrichissante, plutôt que de dire ben c'est pas la même taille, c'est pas la même chose, c'est pas, tu sais, qui serait comme la un peu le réflexe. Mais je trouve que depuis le début, on parle de l'eau. Mais l'eau est gentille dans tout ce qu'on dit. Hein. On ne parle pas des débordements, on ne parle pas des inondations, on ne parle pas de la pluie. Quelle place ça a dans vos projets ou dans vos réflexions? L'eau comme source de danger, là, justement. Surtout que l'eau, tu sais, on est drôlement préoccupé par l'eau. Regardez ce qui vient de se passer, ben, vous le savez, hein. Carcassonne. C'est affreux, quoi. Je veux dire, 160 mm de pluie, je pense, en une heure. Comment ça? Ben, hier. Oh, on est tellement déconnectés. C'était dans le journal d'aujourd'hui, même local, là, j'entends. Mais tu sais, toutes ces catastrophes... mais c'est pas l'idée d'avoir la thématique catastrophe, bien sûr, comme, tu sais, singularisée. Mais il me semble que quand on parle d'eau ces temps-ci, on parle tout le temps de l'eau comme une menace, parce que c'est effectivement... Ben, on n'est pas dans un terrain, dans des terrains où il y a absence d'eau, manifestement, là. Mais on est dans, tu sais, il y a des débordements, il y a tout. On a parlé des eaux de ruissellement tantôt, mais je ne sais pas si à ce moment-là, mais vous êtes peut-être, ce qui caractériserait votre travail, c'est peut-être que c'est l'eau. En fait, on est sur l'eau vive, surtout, dans votre travail. Ben, au départ, on est sur l'eau. Juste pour dire. Je pense que d'abord, une réflexion très personnelle par rapport aux problèmes qui sont générés avec l'eau, je pense que tout en savoir comme des points de basculement. Ouais. Encore une fois, la nature nous montre ses limites par rapport, enfin, nous met des limites par rapport à notre travail. Ouais, plutôt, ouais. En France, voilà, les problèmes sont là, mais qu'est-ce qu'il y a, enfin, moi, je pense plutôt parce que j'ai de la famille du côté de Nice, où ils ont un orage, tout a été un peu malvisé, puis il y a des gens qui se retrouvent dans les parkings, les machins, qui sont là, mais quand même, il pleut beaucoup, machin, non, il pleut pas beaucoup. Pas vraiment beaucoup, c'est juste que vous avez imperméabilisé les sols. Ouais. Et que donc voilà, donc il y a ce rapport-là à interroger. Et on n'a pas rejeté la question de menace ou quoi. Fabien parlait quand même tout à l'heure très bien de la question des bassins versants aussi, en parlant de Seine, c'est quelque chose, ou sinon on ne l'a pas directement évoqué, c'est quelque chose qui nourrit notre travail. D'où vient l'eau, les petites rivières font des grands fleuves, et, essayer, et c'est aussi ramener le travail de la question qu'on parle du bien commun. C'est aussi, il y avait un point de départ, c'était que l'eau a un statut souvent. Particulier légalement, c'est-à-dire pas d'accaparement, on va pas construire, on laisse pas n'importe qui construire sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passerait si on ramenait ça à la terre, si c'était un peu ramener ces notions-là à la terre, parce que la terre, on se dit, c'est facile, on peut la découper, on peut en faire ce qu'on veut, on peut en faire des biens, que l'eau, on pourrait ne pas en faire un bien de par ça. C'est la matérialité qui nous glisse entre les doigts, sauf qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on a un peu abordé la question, mais pas beaucoup, enfin, c'est vrai, dans la discussion. On a quand même. Ouais, mais on a quand même, c'est vrai, peu abordé cette question de l'eau, question de danger, question de peur. On l'a abordé un peu plus dans l'histoire en disant qu'avant l'eau était plus vue comme un outil de travail ou comme une source de peur, mais on a un peu abordé la question des changements climatiques et du coup potentiellement de la montée des eaux. On a un spécialiste qui vient là-dessus nous parler de ça jeudi là. Ah oui. Ça va nous permettre de. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, quand tu dis ça, je me dis, c'est vrai qu'on l'a abordé, on y a pensé, mais on l'a pas plus que ça développé entre nous, alors que, enfin, je pense que c'est effectivement dans l'eau tel qu'on en parle, même si on n'est pas complètement naïf, je me rends compte là, enfin, la discussion. On a quand même un peu cette vue idéalisée, enfin, nous, je crois qu'on aime tous l'eau, on a dans nos histoires de collectif, on a beaucoup travaillé sur l'eau parce que c'est un milieu qui nous attire, qui nous plaît, et on a quand même cette vue un peu idéalisée, et du coup, c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas perdre de vue ce côté aussi eau de danger. On a un peu évoqué quand on parlait des différents nuits, enfin, cette épaisseur de rive qui est liée à cette question de blair en blair, on vient agrandir les terres, où il y a des questions d'érosion, mais aussi liées aux fluctuations, alors soit des marées à Nantes, ou ici de la fonte des neiges. Ouais. On n'a pas encore beaucoup abordé sous l'angle du changement climatique et de l'éventuelle montée des eaux et des préoccupations. Parce que tu vois, par exemple, c'est vrai qu'on imperméabilise plus nos villes, et du coup, les pluies, les crues sont. Enfin, les inondations sont plus violentes, mais il y a quand même plus de pluie, il y a quand même de plus en plus de précipitations. De précipitations et d'inondations. C'est pas juste l'imperméabilisation des villes, il y a vraiment de plus en plus de. J'imagine, mais ça dépend des contextes encore une fois. Mais en fait, les changements climatiques font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'inondations et de sèche-fâche, enfin, beaucoup plus de violence, et c'est pas juste dû à l'imperméabilisation de nos villes. C'est vraiment plus fort. Enfin, ça va aller en s'accentuant. Du coup, c'est une réalité, ou c'est vrai qu'on. Mais je trouve que le mot fluctuation. C'est intéressant ici. Peut-être, je ne sais pas, t'sais, plutôt que de le prendre, t'sais, parce que puis c'est là qu'on revoit t'sais, la question des saisons, l'épaisseur de la rive, t'sais, les niveaux d'eau, t'sais, y a le phénomène de la marée, y a le phénomène de la fonte des glaces ou des embâcles t'sais, qui font en sorte qu'à l'époque, t'sais, on avait des inondations à Montréal, là, on n'en a plus, mais... Je trouve que j'aime bien le mot fluctuation que tu as dit, je trouve, pour peut-être t'sais, prendre compte de ces variations, quoi. T'sais, dans les débits, les niveaux de l'eau, qui serait comme une sorte de thème qui coupe à travers, mais qui n'est pas nécessairement pris en soi, quoi. Mais toujours considéré, peut-être, dans les thématiques que vous avez abordées. C'est vrai qu'on aborde un peu le pendant, par exemple, sur la question. L'eau régénérée, les milieux, etc. Quand c'est vrai. C'est un peu la face visible de cette question environnementale, etc. Mais qui est aussi le pendant justement de la pollution qui s'accentue. Par exemple, la question de la dilution des eaux, cette solution de dilution acceptable des pollutions dans l'eau, parce qu'il y a suffisamment de flux, etc. Oui, mais on est dans un cycle. Et du coup, plus on pollue l'eau, même si c'est dans des masses énormes, plus on va vers quelque chose. Et du coup, la question intégrée, mais de façon un peu positiviste, ouais, il y a aussi dans cette question de l'utopie, etc., il y a une volonté d'aller vers des choses plus rayonnantes que cyniques, on va dire. Ouais. Qui nous tend et qui nous emmène peut-être à avoir un propos plus lissé ou plus joyeux, mais qui se fonde quand même sur des constats un peu cyniques de en fait la qualité de l'eau est parfois terrible, la machine de la ville digère en fait des eaux, mélange des eaux pluviales avec des eaux enfin, des tirages d'eau, etc. Tout ça rejoint aussi à mon avis les thématiques de la machine. Ou voilà, expérimenter un peu ces choses-là et en parler, le mettre en évidence, mais après c'est difficile d'en faire le fantôme un peu de ces inondations, c'est assez délicat. Après je trouve peut-être qu'on le sait, on l'a acquis, on filigrane un peu dans nos pensées, mais on n'est pas dans une logique de réaction par rapport à une catastrophe. Non. Donc c'est pour ça qu'on est plus... pas forcément partir du constat négatif pour aller vers une remédiation à ça, mais justement. Ben, si, moi, mais si je la soulevais, en fait, vous êtes défensif, là, mais c'est correct. On est dans une discussion. Hein. C'était plus dans l'optique de dire, ben, ça fait partie, c'est comme, c'est pas nécessairement, c'est sûr que la problématique des changements climatiques nous amène à, mais c'était plus dans l'optique de dire que c'est une dimension, en fait, qui est tout le temps là, qui était là au 17e siècle. Les Autochtones, d'ailleurs, leur village, les Iroquois de Chelaga, ils se sont installés plutôt à la hauteur de la rue Sherbrooke. Hein. Ils ne se sont pas installés sur les basses terres où il y a la pointe à Calière, tu sais, le musée. Tu sais, c'était un endroit inondable, mais bon, on a rehaussé, hein, on a remblayé devant Montréal pour faire les installations portuaire à la fin du 19e, il n'y en a plus de... Mais donc l'inondation, elle est là, quoi. L'eau déborde, tu sais, à un moment donné, l'eau, tu sais, l'eau agit pas nécessairement toujours comme on voudrait, ou... Tu sais, donc, c'est sûr qu'on est sensible par rapport à la situation actuelle, mais c'est une donnée fondamentale. Et encore, tu sais, comme l'inondation, en fait... L'inondation, elle existe parce qu'il y a un débordement de l'eau sur la terre, mais l'aspect catastrophique existe à partir du moment où il y a occupation humaine. Oui. S'il n'y a pas d'occupation humaine, il n'y en a pas de catastrophe. Donc, en tout cas. Et vous, cette volonté de rencontrer M. Philippe Gachon, qui lui est spécialisé sur les risques hydrométéorologiques au changement climatique. Ok. C'est j'ai dit ça. Ouais. Venir, Oh non, merci. Non, mais je veux dire, dans le sens où je pourrais pas, j'enseigne, c'est pour ça que ça marchait bien cet après-midi, j'avais pas de cours ni d'étudiants, mais oui, ben ça va. En fait, c'est pas l'idée de nécessairement d'aborder le thème, mais c'est d'être conscient que ce thème-là ou cette lecture-là, elle est là, quoi. T'sais, alors, vous pouvez en disposer ou. Ah non, je pense que ça fait déjà écho, enfin, on a déjà discuté, nous, le collectif MIG, mais en plus notre atelier dans le dernier chantier naval de Nantes. Et donc là, habite Quentin Vigneault, le propriétaire du chantier naval, on a discuté pas mal avec lui, et sa première réaction quand il a parlé de cette résidence, et qu'on a demandé de savoir, c'était de dire oui, vous êtes très gentil avec réhabiter le fleuve, en plus, vrai, toujours, mais en fait, la Loire. Personne ne veut y habiter, c'est pas souhaitable. Tous ceux qui habitent sur l'eau, il y en a quelques-uns qui habitent sur les bateaux, les pêches, etc. Mais ils voient la Loire, alors ils vivent dessus, effectivement, mais c'est le danger. Et il y a pas mal de personnes qui ont disparu. Le père de Quentin a disparu dans la Loire. Et la Loire est idéalisée pour nous, voyant ça, et de voir quel beau territoire, etc. Mais déjà relativisée par justement le vécu des gens qui. Va s'en voir et qui... Oui, c'est aussi une mangeuse d'hommes, c'est aussi un courant qui va en plus dans les deux sens, enfin, qui est un peu incontrôlable. Ça fait partie du lexique ou de l'anti-lexique à ce moment-là. Mais en tout cas, des mémoires. Parce que donc, c'est ça, c'est super intéressant parce qu'on le voit pas, tu sais, on le voit pas comme ça. En effet, il faut vraiment avoir souffert des périls, des rives pour l'entrevoir. Mais de toute façon, même historiquement, vous le savez, les travaux d'Alain Corbin, le Français qui a fait beaucoup d'histoire culturelle, montrent que lui ou d'autres, d'ailleurs, même ici, à la fin du 19e siècle, les gens ne se baignaient pas parce qu'ils pensaient que s'ils mettaient leur tête dans l'eau et leurs oreilles, ils allaient se noyer. C'est que l'eau rentrait par les oreilles. Ah oui. Ils devaient aller au fond. Ça ne se moque pas. Puis tout ce discours, des médecins dans les années 30 qui disent, qui rapportent dans les journaux, ben, de toute façon, même encore aujourd'hui, les noyades, à chaque été, non, dans les journaux, ici, toujours, on a notre dose de noyades. Ben, non, pareil. C'est une thématique qui revient. Pendant qu'on se parlait, j'ai trouvé, en fait, le nom de l'auteur, mais j'ai le livre sur qui traite de l'écotone, là. Yes. À Toronto? Oui, c'est Jean Desfour. Il est dans ma bibliographie, mais j'ai pas le livre. Alors, Jean, c'est G-E-N-E, son prénom. Et son nom, c'est Desfour, D-E-S-F-O-R. Et si vous tapez ça dans Google, Jean Desfour, Toronto Waterfront, Vous allez trouver le livre, je suis sûre. Et le chapitre, tu sais, comme à lire sur comment eux, tu sais, ont travaillé cette notion-là, parce qu'il y a plein, probablement plein d'autres gens, mais c'était ça qui me venait à l'esprit quand on en parlait tantôt. Voilà. Dans le changement, moi, ce que j'ai l'impression de saisir de notre époque, c'est qu'on, par rapport aux Trente Glorieuses notamment, c'est qu'on passe de... On est vraiment en train de relativiser la place de l'homme par rapport à l'environnement. Ouais. Avant, on pensait qu'on pouvait maîtriser. Ouais, tout à fait. Vraiment pouvoir gérer. Ouais. Et aujourd'hui, on peut peut-être prendre un peu plus d'humilité dans le sens de dire, bon, en fait, il va falloir vivre avec et se reconnecter et accepter cette part de danger aussi. Ouais, mais plus que vivre avec. Hein. C'est, ben, vivre avec, tu sais, il y a une anthropologue qui est super fameuse, là, Donna Haraway, H-A-R-A-W-A-Y, et qui, ben, qui a une vision un peu radicale, féministe, écologiste, tu sais, bon, tout ça. Et qui dit, dans le fond, la façon de s'en sortir, c'est. Elle a un article qui s'appelle Mekin, K-I-N, c'est faire parenté avec les éléments du vivant. Justement, la solution, s'il y a une solution quelconque, c'est de connecter à ce moment-là avec de faire relation quoi, avec tous les éléments du vivant. T'sais. Alors oui, c'est plus la vision dominante, mais ça va encore plus loin. C'est de dire que tous les éléments du vivant sont constitutifs. De notre vécu, de notre expérience humaine, de la fourmi, en passant par le grain d'herbe, la vache. Ben, tu sais, et donc, c'est de plus mettre sur un pied de. L'antispécisme. Oui, un peu si on veut, oui, ça peut aller. Mais l'antispécisme, c'est parce que, tu sais, quand on dit ça, on connecte, tu sais, on connote tout de suite à un certain mouvement anti-humain, tu sais, quasiment, en tout cas, tu sais, c'est toujours un terme qui... Mais ça va plus loin que ça, tu sais, et donc de dire ben, l'homme n'est pas supérieur aux autres éléments du vivant, d'une certaine façon, où, justement, tantôt, on disait, ben, tu sais, l'eau est constitutive de rapports sociaux, ben, le rapport qu'on a au vivant est constitutif des rapports sociaux. Tu sais, on a établi des dominations entre classes sociales fondées sur les animaux. Les chevaux de promenade des élites montréalaises avaient des droits que les chevaux qui tiraient les charrues n'avaient pas. Ils n'étaient pas admis sur le Mont-Royal et les autres chevaux étaient admis. Donc, tu sais, on construit des inégalités sociales fondées sur ces interrelations avec les éléments du vivant. Alors, elle, ce qu'elle nous dit, ben, c'est que, en fait, il faut connecter avec le vivant et arrêter de faire des bébés. Je suis désolée. Moi, j'ai déjà fait les miens. Non, mais c'est juste pour dire que, tu sais, dans cet esprit de réflexion, mais vous l'avez, ça. Je pense que vous l'avez signalé dans les thématiques tantôt. Tu sais, en expliquant Utopie, Écotourne et tout, vous avez déjà cette sensibilité. Et tu sais, en histoire, il y a plein de jeunes qui font des travaux sur l'histoire des relations entre humains et animaux. En fait, on parle de plus en plus de nature humaine et non humaine. T'sais, au lieu de dire hommes et animaux, c'est déjà classifier des catégories. T'sais, c'est déjà de poser dans un rapport hiérarchique. Ça ne veut pas dire que est-ce qu'il faut que tout soit égal, mais c'est de reconnaître. Tu sais qu'il y a une nature humaine et une nature non humaine, quoi. Et donc, de tenter de déconstruire ces hiérarchies qu'on a pu établir. Je ne vous dis pas que le grain d'herbe est plus important que l'humain ici, mais tu sais, c'est de tenter de déconstruire ces hiérarchies qu'on a pu établir ou de comprendre qu'est-ce que ça sous-tend comme vision du monde. Et c'est même comme... Là, on parle un peu de la relation... Mais même dans l'étude, enfin, je lisais un article, avant les gens ils voulaient étudier un animal. Ouais. Et bien, ils le prenaient, ils le sortaient de son milieu, ils l'étudiaient. Ouais. Et en fait, tout ce qui était relation à l'environnement, en fait, tout ce qui était interaction avec les autres animaux, avec le milieu, avec le machin, c'était dégagé. En fait, il fallait penser qu'il suffisait de prendre la créature, et puis de l'étudier, et puis c'était bon. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que non. En fait, tu ne peux pas étudier quelque chose en sortant de son milieu. Tu sors du milieu, bah, tu perds, tu ne comprends pas. Après, il y a plein de choses, tu ne peux pas expliquer tout si tu sors du milieu. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui, bien sûr, c'est très très bien. Kanawaki, il est dans la bibliographie de... Ah. Et donc AKA, K-A-H-N-A-W-A, deux points K-E, qui est écrit en langage Mohawk, là, mais, et vous avez le lien au site web, mais comme j'arrive pas à me connecter sur le Wi-Fi, ben, je n'ai pas pu voir, activer le lien pour voir s'il est encore. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière question ou quelque chose qui. Je n'ai pas trouvé sur Papyrus, Jeanne-Hélène, Jugi. Jugi, j'ai dit moi. Ok, je vais juste faire une recherche sur mon ordi. Jugi, à moins qu'il y ait deux. Non, annulé. Aucune application n'est configurée. Ah, je sais, je vais le chercher dans ma boîte de courrier. Je vais la retrouver, c'est sûr. Parce que j'ai pas de document. Mais peut-être que son nom de famille, je l'ai mal. Alors, Jeanne-Hélène. OK. Jeanne-Hélène Jugi, je la vois ici. Donc, Jeanne, comme Jeanne, tiret Hélène. Et le nom de famille, J-U-G-I-E. C'est ce que vous avez essayé? Mais, oui, parce que, puis il me semble que l'autre jour, j'étais voir sur Papyrus, puis que sa thèse de doctorat était déjà, parce que ça prend des fois un petit bout de temps avant d'être déposée, mais comme elle a soutenu au printemps dernier, sa thèse était là. Mais si jamais, tu sais, comme je dis encore une fois, tu sais, si jamais vous avez de la difficulté avec trouver une référence ou, tu sais, reprenez contact, puis tu sais, je peux des fois vous l'envoyer en fichier joint ou par un lien, tu sais, WeTransfer ou Dropbox ou un truc comme ça. Mais oui, c'est vraiment, c'est ça qui est dans l'ordi. C'est ça qui est dans l'ordi. Et puis vous êtes allé sur un papyrus, fait que tu sais comment t'y rendre maintenant. Mais je suis venue la première fois, donc normalement, là. Ouais, ça devrait. Puis si jamais vous voulez être en contact avec Valérie Mao, elle serait ravie, hein. Ah, okay. Ouais, vraiment. Bon, elle a délaissé un peu son travail, mais tu sais, ça fait partie de ses amours, là. Donc il n'y a aucun souci. Elle serait sûrement très contente de vous fournir ou de vous aider ou donner des pistes sur les cartes ou quoi que ce soit. C'est la spécialiste. Vous pouvez nous donner son adresse mail? Ah oui, mais sauf que là, il n'y a rien qui fonctionne. Ah non, non. Mais. Ouais. OK. Valérie Mao. Oui, tout à fait. Oui, parce que là, maintenant, elle n'a plus son adresse institutionnelle. Donc, ouais. C'est une micro-question sur Donna Haraway. Il y a un ouvrage où... Ah, mais c'est parce qu'en France, on a traduit plusieurs de ses articles, puis on a donc publié ça sous forme de recueil, mais je peux toujours me le mettre ici en note. Ouais, c'est fou, hein, quand mais moi, je sais pas, mais vous avez de la mémoire, moi j'en ai moins, là, mais maintenant, il y a plein de choses dont je me souviens plus, je m'en fous, parce que je sais que je vais le trouver en deux secondes, mais quand ça fonctionne pas, on est drôlement embêtés, hein. Là, je suis sur juste Wikipédia français de Donna Haraway, mais... Ah oui, Haraway. Ah, c'est peut-être le manifeste, justement. Manifeste cyborg et autres essais. Oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs manifestes. Ah oui? Manifeste cyborg, science, technologie et féminisme socialiste à la fin du 20e siècle. Des singes, des cyborgs et des femmes. Ou manifeste des espèces de compagnie. Ok, il y a vraiment beaucoup de titres. Ouais. Hein. Elle a vraiment été traduite. C'est que les quatre ont été traduits. Ok. Donc, elle est vraiment devenue, fameuse. Ok, ben de toute façon, je vais l'envoyer à Fabien. Il y a aussi l'adresse réhabilité le flat, je pense que. Ah, ça se peut. Donc, ça serait mieux de l'envoyer à réhabiter parce que comme ça, je rejoins tout le groupe. Je ne sais pas si je l'ai, hein, mais je regarderai ça. Ouais, ou je te le renverrai. Ouais, c'est ça, ok. Fait que là, j'ai noté, puis ça, je devrais pas l'oublier, là, à part la capsule. Du coup, dernière question. Oui. Est-ce que tu es de Montréal ou est-ce que. Oui. Quel est ton rapport au Saint-Laurent? Je viens de la banlieue. De la banlieue ouest, donc j'habite en amont de la ville, donc j'habite justement dans un de, tu sais, je suis née plutôt dans un de ces villages qui s'est développé le long des rives de l'île de Montréal au 17e siècle, tu sais, donc un noyau de population qui s'est établie là, qui est devenue en par la suite, auquel s'est greffé un lieu de villégiature, comme je disais tantôt, avec des chalets, des maisons résidences secondaires et tout pour les élites, et qui est devenue une banlieue ensuite de l'après-guerre, tu sais, où là, le développement urbain a été assez foudroyant. Et donc, c'est à peu près à 25 km à l'ouest d'ici. Et quand j'étais, en fait, on habitait juste à la limite du village. Donc, effectivement, on n'était pas sur le bord de l'eau, comme on disait, hélas, tu sais, parce que, mais, et on n'a jamais eu d'embarcation, tu sais. Donc, on n'a pas, tu sais, on n'avait pas ce rapport avec l'eau qu'on avait dans les milieux peut-être plus bourgeois, tu sais, où on avait l'habitude de faire la voile. Mais on allait quand même un peu sur la glace. Mais l'eau n'était pas nécessairement une composante vraiment active, mais plus un élément du paysage, je dirais. Fait que, je pense que c'est vraiment pas lié du tout à. Il n'y a pas de rapport lié à l'enfance. Des fois, les sujets, on les puise dans des souvenirs ou des moments forts de l'enfance, mais dans mon cas, c'est pas du tout ça. Quoi. Je pense que c'est plus vraiment plus l'ambition de dire ben, l'eau a toujours été un élément de l'histoire de Montréal, mais on ne l'a jamais historicisé ou il faut faire quelque chose avec ça. T'sais. Puis je me dis, ah, tu vas le faire, moi. Tu sais, dans le sens, ah, je vais comme le faire comme un tour de précédent, mais avec les atouts et les limites de l'historienne. C'est vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous puis de voir vos projets. C'est toujours intéressant. Puis votre expo, ça va être ici ou seulement en France? Elle est prévue d'être en France, mais peut-être qu'elle viendra jusqu'ici. Ouais. En tout cas, il y a une publication aussi qu'on va faire tous ensemble. Ouais. Ça, ce sera publié à côté. Ok, chouette. Ouais, on tiendra au courant. Ben oui, j'espère. Mais oui, bien sûr. Sinon, je retenais ma capsule. Chantage. Comme si c'était fondamental. Ben, j'aurais peut-être eu une autre question bien rapidement, mais vous avez rencontré donc Yvotis, vous avez dit d'avoir rencontré un spécialiste des changements climatiques et du risque, et puis dans les gens qui ont une fonction plus distincte qu'être le public. Là. Ben en fait, c'est vrai qu'on a voulu aborder la question de l'eau un peu sous plein de thématiques différentes, en fait, que les spécialistes seraient plus compétents que nous et que nos recherches à. Donc, jeudi, il y a trois spécialistes qui viennent. Il y a Christiane Hudon, qui elle, qui fait partie du GRIL, le groupe, et donc plus spécialiste sur le milieu de l'eau, enfin le Saint-Laurent, le fleuve, vraiment milieu aquatique. Ouais. Cardenas, elle est chercheuse en droit, faculté de droit, et plus spécialement sur la question de l'eau, comme ressource, mais aussi pas que. Enfin, non, pas que, mais. Et du coup, toute la question du bien, enfin, de l'eau comme. Ouais, ça c'est intéressant à pouvoir maîtriser minimalement, quoi. Ok. Et en plus, elle sera là toute la journée, elle assistera aux autres présentations. Mm-hmm. Essayer de croiser aussi. Ouais, c'est bien. Elle fait partie de la chaire de recherche en gouvernance urbaine de l'eau et des services publics. Ouais. Ça me dit quelque chose vaguement, mais je la connais pas directement, quoi. Ok. Puis vous avez pas de. Ça vous intéressait pas les urbanistes ou. En fait, nous, on est déjà tous architectes. Ouais, c'est ça, c'est comme une parenté, quoi. Et en plus, dans l'équipe, il y a aussi Jean qui fait partie de. Et Chloé qui font partie de l'agence Blanc, donc paysagiste. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on a été chercher vraiment un domaine qu'on connaissait moins. Parce qu'il y a une prof à Concordia. Oui. Ah, ben, c'est ça, c'est qu'il y a une prof à Concordia qui fait de l'art en art visuel, quoi, puis qui s'intéresse à l'eau, puis elle m'a parlé un peu de son projet. En fait, c'est infini, quoi. Ben oui, c'est ça. Et là, je pense que là, très très, waouh, il y a plein de choses à dire en ce sens, et on a une durée de résidence qui est limitée. Ouais, ouais. Même si c'est des sujets qu'on peut continuer de toute façon à développer, je pense qu'on est. Mais vous l'avez aussi quand même, la dimension artistique, c'est déjà avec le projet théâtraux, je trouve que ça ressort plus, donc c'est pas nécessaire. Mais c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui continue de faire des petits, quoi, les gens. Et du coup, inversement, c'est pareil, s'il y a des gens qui vont te parler de l'eau, leur art visuel, Moi, je suis architecte de formation artiste maintenant. Ok, donc. Ouais. Juste pour dire aussi, mais globalement, par rapport à tous les intérêts, c'est tout à fait possible de refiler notre contact aussi, s'il y a des gens qui veulent discuter des choses. Oui, mais maintenant que je l'ai, oui, en effet, tu sais, je vais dire, ben, allez voir ces gens-là, ils sont vraiment intéressants. Moi, j'ai pas le temps. Non, mais là, je suis là, mais après, même à distance, on peut changer par mail. Ouais, ok. Absolument. Ouais. Ben, en tout cas, espérons un lieu pour l'exposition. Mais il y en a beaucoup moins de moyens ici, hein, malgré tout. Tu sais, on a moins de support, de soutien des pouvoirs publics. Pour... C'est pour ça que je vous ai demandé comment vous aviez financé votre voyage. Il faut trouver des mécènes. Oh, oui. Ouais, ben, je vous encourage à le faire. Allez, ce sera le mot de la fin.